Donc, bonjour à tous. Merci d'être venus pour cette conférence organisée par X-Recherche sur le sujet les leviers de l'innovation. Aujourd'hui, on a l'honneur donc d'accueillir Pierre Olivier, donc cofondateur et président de la société Winnov, et Michel Neu, expert senior en propriété intellectuelle et valorisation au CEA. Donc, cette conférence est pour les conférenciers une occasion de partager, de faire partager leurs convictions sur l'évolution nécessaire des politiques publiques en faveur de la R&D et de l'emploi en France. Avant de laisser débuter la conférence, je vais faire un petit rappel du cadre dans lequel elle s'inscrit dans les activités de notre groupe. Alors, on a débuté un cycle de conférences sur le thème innovation depuis le mois de décembre 2011 avec le développement d'un colloque. Le colloque sur le sujet de l'auto-orientation, on s'est posé la question de savoir comment est-ce que les entités de recherche définissent leurs buts, leurs actions et leurs projets. On a développé un colloque avec un call for paper, un comité scientifique, donc analyse des articles, soumission d'articles et une journée de présentation qui a donné lieu à une création d'une communauté, la communauté auto-orientation, qu'on va soutenir et essayer de pérenniser et faire connaître. En avril dernier, on a développé une conférence sur penser l'innovation. Marina Goguet, doctorante de l'École des Mines, nous a présenté une technique pour innover sur un sujet technique qui est le concept knowledge. Et Romain Baume nous a présenté, Romain Baume, doctorant à l'École Polytechnique, nous a présenté les enjeux de l'innovation dans la mobilité durable et en particulier l'Institut de la mobilité durable, qui est une association entre Paris Tech et Renault. Donc aujourd'hui, la conférence est « Quel levier efficace de rupture en faveur de la R&D pour un choc de l'innovation et de l'emploi en France ?» Les conférenciers feront le lien entre les stratégies de recherche, l'emploi et l'innovation en France. Et je vous invite d'ores et déjà, le 7 juin, dans ce même amphi, à la même heure, à venir pour une conférence qui s'intitule « Innovation, conscience et création de valeurs globales ». Donc Dominique Lussan nous présentera des techniques qui permettent d'intégrer dans sa vie quotidienne des états de conscience non ordinaires pour créer de la valeur globale dans le milieu agricole, industriel ou bien en termes de management. Cette conférence sera suivie d'un atelier pour mettre en pratique ces dires. Et je vous invite donc à nous suivre. Donc pour nous suivre sur les activités du groupe, on a un blog x-recherche.polytechnique.org. Vous tapez blog x-recherche sur Google, ce sera le premier lien qui arrivera. Et si vous souhaitez nous contacter ou devenir membre du groupe, si vous êtes non polytechnicien, vous passez par la mailing list de membres actifs xrecherche@gmail.com. Si vous êtes polytechnicien, via polytechnique.org. Pour terminer, je vais vous présenter l'intérêt d'être membre du groupe. Tout d'abord, d'avoir accès aux informations, aux communications des conférences, aux présentations des conférenciers, aux enregistrements sonores, comme aujourd'hui, aux comptes rendus de réunions, aux comptes rendus de conférences, assister aux réunions du groupe pour définir les projets, les orientations du groupe, avoir des informations sur les conférences des groupes associés, X-Biotech, X-Doc, X-Propriété intellectuelle, X-Développement durable et maintenant X-Sciences humaines. Une autre raison de faire partie du groupe, c'est d'avoir l'opportunité de monter une conférence sur le sujet de son choix et avoir pour seul souci, qui est déjà un gros travail, de définir un sujet et de contacter des conférenciers. Et l'idée, c'est de créer un peu des conférences prototypes, des conférences qu'on n'a pas l'habitude de voir sur un sujet de recherche, bien évidemment, pour un public de chercheurs. Je vais laisser maintenant la parole à Pierre Olivier qui va animer la conférence et je vous souhaite une très bonne conférence à tous. Merci. J'utilise lequel alors, Antoine, comme tu veux. J'ai mon micro. Est-ce que ça va, vous m'entendez? Alors, juste pour me présenter, j'ai eu l'occasion de faire la recherche dans le passé, alors dans un certain nombre de groupes variés, comme Aluminium Pechiney ou Saint-Gobain. Et puis, plus tard, dans tout ce qui est informatique, télécom, média, en passant par Canal+, en développant la technologie numérique, Thomson, et puis aussi également un peu Areva T&D, donc la partie transmission et distribution d'électricité du groupe Areva, qui est maintenant qui a été redistribué chez Alstom et chez Schneider. Et la société Winnov, donc, que j'ai montée avec un associé, qui lui aussi vient de Thomson, a pour vocation à définir, enfin à valoriser en fait les actifs immatériels technologiques, donc aussi bien des petites entreprises, PME, start-up, que grands groupes ou dans le secteur public, et notamment à travers des montages de partenariats, de recherche-développement, ou simplement trouver une stratégie de propriété intellectuelle adaptée aux besoins de l'entreprise, enfin donc définir tout ça. Alors ce que je voulais vous exposer aujourd'hui, c'est un peu en introduction, le premier volet de cette conférence, donc qui sera suivi par Michel Neu, c'est finalement qu'est-ce qu'on peut comprendre aujourd'hui de la stratégie de R&D des entreprises. Alors j'ose espérer que ceci va permettre de déclencher. Non ? Je préfère. D'accord. Et donc, je voulais partir d'une enquête que j'ai menée l'année dernière, avec un cabinet associé d'ailleurs, enfin un partenaire, sur les pratiques de l'innovation et apportées à la R&D, finalement, quels sont les leviers. Quels sont les éléments importants en matière de management d'R&D, de gouvernance d'entreprise, quel est le lien, quels sont les principes de bonne santé, les liens avec le retour sur investissement des entreprises et quelles sont les pratiques en fait qu'on voit apparaître en matière de R&D. Donc c'est un peu là-dessus que je vais m'appuyer. Technologie finit toujours par se plier à la volonté. Ça, c'est Steve Jobs qui racontait ça. Hein. On peut toujours faire plier la technologie à sa propre volonté. Ce qui, bon, parfois, on peut se poser des questions sur la véracité, mais enfin, ça permet d'orienter les volontés de l'entreprise. Donc, merci. Je vais mettre par là. Donc cette enquête a été menée donc l'année dernière. Donc la question c'était un certain nombre de convictions sur l'expérience opérationnelle que nous avons menée sur nos missions, sur nos expériences personnelles. Et donc les questions c'était comment faire d'innovation une seconde nature pour l'entreprise et comment l'intégrer dans le système de gouvernance. Donc y a-t-il un lien entre la manière dont l'entreprise est gouvernée par son conseiller d'administration et la capacité de l'entreprise à se mouvoir en créant des innovations. Quels sont les principes donc, qui sont liés à la bonne santé de cette, et conditions de réussite de ces stratégies. Et puis, y a-t-il des points spécifiques qui sont délicats, du point de vue managérial et conduite du changement, puisqu'on sent bien que, surtout dans une entreprise de taille importante, évidemment, qui dit innovation, dit rupture, dit modèle économique nouveau, et donc, quelque part, sortir d'une zone de confort pour aller vers une zone d'incertitude. Et donc, il y a forcément des résistances au changement. Et donc, sur quoi on va porter cette attention ? Donc, quels sont les processus, les mécanismes de décision, etc. Donc, nous avons consulté un certain nombre d'entreprises de différents types d'activités. Donc, là, vous en voyez un certain nombre. Total, RTE dans les infrastructures, des industries un peu style B2B, donc qui n'adressent pas le consommateur, mais qui sont des industries relativement importantes, de tailles diverses, hein, que Rocket Frères, c'est une ETI du Nord, Alcatel-Lucent, bon, c'est un groupe important, Technicolor, qui est l'ancien Thomson, en fait, Sophie Proteol, qui est un groupement, en fait, sur tout ce qui est les huiles et oléagineux. Et puis, dans l'industrie B2C également, nous avons consulté des gens comme Sanofi, donc dans l'industrie pharmaceutique, Renault, bon, je crois que Renault, vous en avez entendu parler la dernière fois, Seb ou LVMH, et puis CNRS également, pour un peu comprendre, dans le secteur public. Bon, alors là, je ne vais pas vous redétailler tout ce qui a été évoqué, mais simplement ressortir quelques éléments forts qui me semblent importants de ressortir si on essaye d'imaginer comment la R&D des entreprises évolue aujourd'hui. Alors, bon, il y a une chose certaine, c'est que maintenant, elle est de plus en plus collaborative, enfin, coopérative, on va dire, avec le monde extérieur, avec un collaboratif donc, qui joue un rôle de plus en plus important, qui se traduit par tout un tas de nouvelles formes de fonctionnement, dont ce qu'on appelle souvent l'open innovation, enfin, que moi j'appelle souvent plutôt l'innovation partagée. Et puis avec beaucoup d'interactions, bien sûr, avec le monde extérieur, que ce soit les clients traditionnellement, les fournisseurs, ou sinon des partenaires de plus en plus nombreux, des collectivités, enfin ce qu'on pourrait appeler un écosystème, qui n'est pas directement l'écosystème va aussi d'ailleurs indirectement impacter des entreprises que vous ne voyez pas vous en tant qu'entreprise, mais qui sont quand même impactées par le travail que vous réalisez. Sans oublier bien sûr les pouvoirs publics et les instances de normalisation, tout ce qui est régulation, qui joue un rôle important. Donc qu'est-ce qu'on appelle finalement Open Innovation? Simplement pour se fixer les idées sur les pratiques, on va dire, on peut distinguer trois grands types de pratiques. Donc on va dire l'innovation traditionnelle, qui est simplement on ouvre un petit peu le partenariat. Donc le développement est essentiellement fait en interne dans l'entreprise. Et donc, une partie des coûts de R&D peut éventuellement être partagée avec l'extérieur. Ça va être moins de 30%, on va dire. Et donc, en général, dans ce cas de figure-là, l'entreprise s'approprie la plupart du temps, la totalité, des résultats de la propriété intellectuelle. Alors, bon, c'est souvent dans le monde, on va dire, dans l'automobile, sous-traitance ou des choses comme ça. Il peut arriver dans d'autres cas de figure, peut-être avec le secteur public, mais sans doute de moins en moins. Les entreprises étaient tentées de garder leur propriété intellectuelle. Donc ça, c'est l'innovation dite traditionnelle. Ce qu'on peut appeler l'open innovation, c'est quand ce taux va finir par monter jusqu'à peut-être 50%. Là, cette fois-ci, les développements, bon, il va exister des développements dérivés qui restent encore sous contrôle, c'est-à-dire qu'on peut définir un cadre de travail contractuel. Et par contre, dans ce cas-là, les résultats et l'API vont être négociés, en fait, vont être connus et feront l'objet d'un accord. Et alors, on peut imaginer maintenant l'innovation dite open source, où là, on fait carrément travailler le monde extérieur à plus de 50%, donc en cherchant à bénéficier de ces résultats à plus de 50%. Donc, dans ce cas-là, les développements dits dérivés, donc qui sont au-delà de ce qu'on avait démarré au départ, ne sont plus tellement contrôlés. Et donc, on ne peut pas les prévoir à l'avance. Et donc là, c'est vraiment... il y a le cas extrême qui est l'open source, logiciel. Mais il y a différents cas de figure qui peuvent exister. Donc, la R&D devient critique dans l'entreprise. Et pour cela, ça vient de quoi? Ça vient du fait que, finalement, l'entreprise va chercher à se positionner sur un certain nombre de valeurs, de disciplines de valeurs. Bon, en général, il y en a trois grands types, qui sont le fait d'être excellent de manière opérationnelle. Donc là, c'est plus des processus, de la qualité, la réduction des coûts, la recherche d'efficacité. Deuxième cas de figure, c'est être leader technologique. Donc on se positionne sur des technologies sur lesquelles on veut garder la maîtrise. Donc ça va être des ressources, rechercher à être créatif, etc. Et puis le troisième aspect, c'est la relation avec le client. Donc cette fois-ci, c'est être très proche des besoins et réactif, rechercher des choses très spécifiques. Et en fait, concrètement, si vous voulez, une entreprise va choisir parmi ces types de valeurs une ou peut-être deux, mais pas les trois. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être en même temps excellent opérationnellement, avoir du leadership technologique et avoir une certaine forte intimité avec les clients. À un moment donné, il y a une contradiction. Et donc, finalement, la stratégie technologique qu'on va se définir à partir de ces valeurs, donc ça va devenir un facteur clé de différenciation pour l'entreprise. Et en fait, on s'aperçoit qu'un certain nombre d'axes d'orientation sont en train de se dessiner. C'est-à-dire que l'organisation de l'entreprise devient de plus en plus étendue. Donc, autrement dit, je travaille de plus en plus en réseau avec l'extérieur. Donc là, les frontières sont peut-être moins facilement identifiables. Le président est de plus en plus impliqué. Donc là, ça rejoint la question de la gouvernance. Pourquoi ? Parce qu'il y a une question fondamentale quand vous créez quelque chose de nouveau sur le fait que le modèle économique que vous allez devoir mettre en œuvre va être différent du modèle économique que vous avez connu jusqu'à maintenant. Et donc, il y a une question fondamentale. C'est une rupture en même temps culturelle qui est, elle, portée, bien sûr, par le président. Et donc, c'est à lui d'impulser. Est-ce que je vais permettre à une équipe de développer quelque chose de nouveau qui va déstabiliser le reste de l'entreprise ou pas ? Et puis, à ce moment-là, il y a la question du retour sur investissement également. C'est-à-dire que ceci est un nouvel investissement que je permets. Et donc pour lequel, comme le modèle est inconnu, eh bien le retour sur investissement est également inconnu. Et donc est-ce que mes actionnaires vont accepter de prendre ce risque ? Donc le président a besoin de s'impliquer dans ces travaux de R&D. Bien sûr, la R&D est un moteur de changement, donc c'est pas simplement quelque chose qui va suivre une évolution de marché, mais qui va la devancer, qui va permettre de changer les choses, de créer peut-être de nouveaux marchés. Donc un moteur de changement. Et aussi, d'une manière plus contextuelle par rapport à l'environnement, devient un facteur clé de relance, peut-être pour des questions de valeur d'usage qui changent. La responsabilité sociétale en est un exemple, mais la manière dont les gens vont considérer l'usage d'une voiture, c'est plus je veux être propriétaire, mais je veux être capable d'utiliser une voiture pour aller d'un point A à un point B, peut-être pas simplement une voiture, un moyen de transport multiple. Bon, c'est des valeurs du jazz qui changent. Donc la R&D doit répondre à ces questions. Enfin, un autre point important, c'est que la R&D, on recherche dans l'entreprise une efficacité importante, donc il va y avoir forcément une articulation entre court et moyen terme. Cette articulation va être assez fondamentale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en termes d'organisation, les équipes de R&D vont être proches de l'opérationnel. On va mettre en place un certain nombre d'outils innovants de valorisation, du style, peut-être qu'il faut créer une JV, peut-être qu'il faut essaimer, c'est-à-dire créer une nouvelle société qui sorte de mon organisation, de mon contrôle de gestion et de mes modèles économiques en place, ou peut-être définir des participations dans des entreprises, ou encore faire de la recherche collaborative avec le secteur public ou avec d'autres entreprises. Donc l'entreprise cherche à valoriser au maximum ses activités de recherche de telle sorte de trouver une articulation entre le court et le moyen terme. Et donc l'entreprise se recentre sur son cœur de métier, elle va le cultiver et elle va tenter d'externaliser tout ce qui n'est pas fondamentalement son cœur de métier. Alors bien sûr, ça veut dire qu'il faut que je le définisse, ce cœur de métier, ce qui est en soi un travail fondamental. Mais une fois que je l'ai bien défini, alors je vais tenter de garder en maîtrise R&D interne ce cœur de métier et en externalisant le reste. Mais tout ça, toujours avec cette articulation long terme, enfin moyen terme, court terme, ça ne veut pas dire qu'il faut sacrifier automatiquement le moyen terme au court terme. Alors c'est un travers qui peut exister, surtout en période de crise, où, par définition, les équipes de R&D vont être les premières à subir les réductions d'effectifs, la plupart du temps. Et donc, c'est bien un sujet qui est un petit peu, paradoxal, c'est-à-dire qu'en même temps, il s'agit de créer de la valeur sur le moyen terme, tout en préservant la capacité de le faire. Donc, c'est un peu cette articulation qu'on retrouve dans ces équipes. Et donc, au bout du compte, la R&D, les dirigeants de la recherche se posent automatiquement la question comment faire pour rester une unité qui fonctionne dans tous ces aléas économiques, changement de modèle, crise, réduction de chiffre d'affaires, augmentation de chiffre d'affaires, nouvelles acquisitions, que sais-je. Et donc, finalement, petit à petit, la R&D s'implique un peu partout. Les frontières deviennent assez floues, avec certaines fonctions centrales, comme le commercial. Pourquoi ? Parce que je vais m'intéresser à comprendre comment fonctionnent mes clients. Donc je vais commencer à travailler avec mes clients en direct. Donc j'ai besoin d'avoir un certain impact, une certaine implication avec les équipes commerciales. Avec la stratégie, parce que, évidemment, comme la recherche, c'est plus ou moins c'est une vision sur le moyen et long terme, ça a forcément une relation avec la stratégie. Donc c'est la stratégie, ça ne va pas être uniquement les études de marché, ça va être un peu plus large que ça. Et puis le marketing, bien évidemment, puisque le marketing va définir finalement quels sont les produits qu'on peut imaginer ou les services qu'on peut imaginer dans le futur. Donc sans la R&D, ça peut poser certains problèmes. Du coup, la R&D s'invite dans l'aval de la chaîne. Alors l'aval, ça veut dire rupture rapide, c'est-à-dire que quand vous êtes en période de modification importante de votre environnement, eh bien, vous cherchez des ruptures. Donc là, la R&D va s'intéresser à l'aval, mais en même temps à l'amont, puisque pour avoir une bonne rupture, souvent, il faut des innovations, enfin des choses nouvelles qui ne sont pas connues. Et donc, c'est aussi de l'amont. Donc, il y a une sorte de rétrécissement des cycles entre l'amont et l'aval. Et puis, donc, la connaissance également des consommateurs finaux devient un élément important. Je prends LVMH. Eh bien, ils vont s'intéresser à comment les utilisateurs, utilisatrices de leurs produits fonctionnent, mais en réalité, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas simplement faire ce qu'on appelle des sondages de questionnaires, ils vont aller filmer, regarder, constater comment les personnes utilisent les produits. Par exemple, si un produit qui est utilisé dans un environnement, dans des pays où il fait froid l'hiver et qu'on a du mal à se chauffer, ben certains produits ne vont pas fonctionner de la même manière que si vous êtes dans un appartement parisien à 20 degrés en permanence. Donc voilà un petit peu les cas de figure et ils vont regarder est-ce que le produit fonctionne bien ou pas. Et ensuite, la R&D va être de plus en plus finalement à l'affût de création de valeur donc pour l'ensemble de ses partenaires. Donc il ne s'agit plus seulement de créer de la valeur pour l'entreprise, mais pour les partenaires, donc les clients, l'environnement et répondre aux enjeux sociétaux. Donc ça sont des tendances qu'on voit apparaître aujourd'hui. Donc simplement pour résumer un petit peu, donc les causes multiples de cette interaction croissante, c'est d'une part que l'organisation est étendue, que le président s'implique de plus en plus avec les actionnaires, qu'il y a une accélération des délais sur les créations de prototypes, que le marketing et le R&D sont de plus en plus en symbiose, et qu'il y a un environnement global, un écosystème, comme on pourrait dire, qui est pris en compte. Deux tendances lourdes constatées également, donc l'externalisation par des intégrateurs des compétences métiers de leurs fournisseurs, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, et l'appropriation par le client final, donc des modèles économiques associés. Donc autrement dit, d'une part, vous avez le fait que vous allez devoir réduire vos coûts qui sont associés justement aux aléas économiques. Et puis d'autre part, le client qui fait appel au sous-traitant, lui, va vouloir garder le maximum de valeur. Donc il y a une certaine flexibilité à avoir dans tous ces éléments. Donc on peut dire finalement, si on regarde un petit peu quels sont les types de stratégies, vous avez tout ce qui est scientifique, technique. Donc c'est lié au partenariat, aux technologies, l'aspect mondialisation versus l'aspect diversité, donc des usages. L'aspect processus décisionnel dans lequel on va retrouver la relation avec les clients. Donc est-ce que le client recherche son intérêt à court terme? Donc là, il va inciter à intégrer des technologies externes. Est-ce qu'il veut garder un intérêt à moyen terme et long terme, donc préserver la technologie de ses fournisseurs? Et puis le client est-il plutôt intégrateur de technologie ou développeur de technologie? Voilà un peu les questions de R&D. Et puis des questions liées à la veille, c'est-à-dire que la R&D ne travaille pas en circuit fermé, il ne travaille pas en vase clos, mais dans un environnement, au sens écosystème du terme, avec des concurrents, etc. Donc il y a une veille qui est nécessaire, qui est à mettre en place. Et donc, il y a un impact fort des tensions entre marché et concurrence. Le fait qu'il y a une nécessité de standardiser, donc pour simplifier les usages, mais en même temps, de se différencier. Donc, la différenciation signifie complexifier les usages. Donc, on va retrouver ces différents éléments. Est-ce que je cherche à me sécuriser mes propres activités ou à garder une ouverture? Donc, ça, c'est les différents aspects qu'on peut trouver. Donc voilà, donc la stratégie des R&D d'entreprise, comment ça va se décliner finalement en termes de propriété intellectuelle. Bon, il y a forcément un lien entre les deux, et ce lien lié au fait que la R&D est issue du travail intellectuel, et que quelque part, on cherche à se protéger ou à valoriser des choses dans le futur. Donc il y a un aspect stratégie, technologie, stratégie d'innovation, qui est l'accès au marché. Donc, en sous-jacent les modèles économiques de cette valorisation, et derrière les modèles économiques de valorisation, c'est quelle est la propriété intellectuelle qui va me permettre de tirer le meilleur parti possible de ces modèles économiques. Donc c'est comme ça qu'on peut ensuite relier la stratégie de R&D et la stratégie de propriété intellectuelle. Bon, celui-là, je vais peut-être... Bon, je vais quand même vous signaler juste rapidement. Donc la propriété intellectuelle permet d'accélérer les innovations, en particulier pour les PME. Alors comment cela se fait? C'est un actif intangible, mais qui peut être actionné. Par exemple, pour les sécuriser un certain nombre de levées de fonds, un certain nombre de sociétés ont un chiffre d'affaires quasi inexistant de la propriété intellectuelle et peuvent lever, je ne sais pas, par exemple 1 million, 5 millions, en fonction du type de brevet qu'ils ont à leur actif. Les sociétés investisseurs vont investir dans cet actif, sachant qu'il y a de la propriété intellectuelle et qu'ils croient donc que le business model est viable. Ça peut permettre, bien sûr, l'accès à certains partenaires stratégiques. Donc quand vous êtes en partenariat de recherche, plutôt que de dire « je suis, moi, une petite équipe de 10 personnes, en face, j'ai un groupe qui peut aligner 50 personnes en R&D, donc 10 sur 50, ça fait quoi, 20% d'apport », vous pouvez dire « mais attendez, j'ai un certain nombre de brevets que j'apporte dans ce partenariat, et donc, monsieur, le partenaire, si ces brevets ne sont pas dans mon apport, le projet ne peut pas fonctionner. Donc, au fond, ma part, elle ne va pas être de 10 ou 20%, mais elle va peut-être de 50% in fide grâce à mes brevets. Donc ça, c'est un aspect aussi important. Et puis enfin, c'est une condition qui peut être importante pour une acquisition. Donc quand vous avez un donneur d'ordre qui souhaite acheter une prestation, un service ou un produit, eh bien, la propriété intellectuelle fait partie de la négociation. Donc il y a un paradigme qui est en train de changer également, donc non seulement dans les stratégies de R&D, mais dans les stratégies de propriété intellectuelle, où les entreprises finalement trouvent que le pays est un élément de patrimoine qui vaut le coup d'être managé et d'être valorisé. Et donc on va trouver un certain nombre de formes possibles, transfert de technologie, transfert de brevets, transfert de pays, etc. Et donc ceci permet de prévoir la rentabilité de l'entreprise ou de la mesurer d'une certaine manière, donc un retour sur investissement, dont la question que l'on se posait au début de cet exposé, où par rapport au projet, comment je peux identifier un retour sur investissement, eh bien l'API fait partie des indicateurs intéressants pour ça. Alors bien sûr, certains secteurs n'ont pas la même vision de la propriété intellectuelle que d'autres. Si vous prenez le secteur de la santé, les biotech, les brevets sont fondamentaux, c'est-à-dire que ça protège un investissement lourd qui est celui des phases de développement avant autorisation de mise sur le marché, qui peuvent durer 8 ans en général, hein, c'est ça je crois. Et donc ça vous permet d'éviter que quelqu'un puisse prendre finalement la place sur le marché à votre insu à partir du moment où vous avez déposé les brevets qui vous protègent. Dans le secteur de l'électronique, on va retrouver la même chose, sachant que de la même manière, les brevets permettent de protéger un certain nombre d'investissements qui sont liés à des, notamment tout ce qui est circuit intégré, ce sont des investissements lourds, donc la propriété intellectuelle va jouer un rôle important. Le savoir-faire est un peu en deuxième fil derrière, qui joue un rôle important bien évidemment. Dans d'autres secteurs industriels où vous avez peut-être un impact moins fort sur le nombre d'unités vendues, vous allez avoir un savoir-faire clé qui peut rester secret. Donc certaines industries, je crois Michelin, avait l'habitude de garder son savoir-faire secret jusqu'à une période récente. Dans un autre domaine, celui centrale nucléaire, Areva, tant que, en fait, vous aviez une production uniquement en France, c'était la culture du secret. Le jour où ils ont été obligés, enfin, le jour où ils ont changé plutôt de stratégie, où il a fallu se dire on va vendre des centrales nucléaires à l'étranger, eh bien, du coup, eh bien, comment je fais pour préserver mon savoir-faire ? C'est-à-dire, ce que je vends à l'étranger, si ça reste un secret, ben, ça ne va pas le rester longtemps, finalement. Donc, j'ai intérêt à le protéger. Bon, pour le secteur public, eh bien, on voit apparaître à nouveau la question du brevet comme question fondamentale. Le droit d'auteur va jouer un rôle pour, bien sûr, tout ce qui est lié au monde du logiciel. Et puis, enfin, dans le secteur des loisirs, on va trouver comme propriété intellectuelle numéro un le droit d'auteur, puisque là, on parle d'œuvres audiovisuelles ou d'œuvres de ce type, musicales ou autres. Donc, finalement, enfin, regardons maintenant le cycle de l'innovation dans son ensemble. Il y a en même temps donc l'aspect extérieur et l'aspect intérieur, et c'est un cycle où on va passer de la phase innovation, création, il y a une phase opérationnelle, un petit peu de soutien à cette création. On va identifier justement où se trouve la propriété intellectuelle, sous quelle forme. Et puis il y a une phase réelle, enfin de, un peu de bataille, hein, défendre et valoriser, qui consiste à aller sur le marché et trouver les bonnes formules de valorisation. Donc tout ça, ça vous donne une certaine capacité de positionnement stratégique de votre propriété intellectuelle, qui est sous-jacente en fait, à votre stratégie de R&D. Et alors sur cette matrice qui provient d'un auteur qui s'appelle Pascal Corbel, en fait, qui travaille à Versailles-Saint-Cotin comme professeur, il suggère une matrice où en fait on voit apparaître ici un axe vertical qui consiste à dire est-ce que je suis exclusif ou est-ce que je suis coopératif, et un axe horizontal qui va dire est-ce que je défends, enfin je cherche des positions pérennes ou je cherche à acquérir, à me diversifier, à créer des nouvelles positions. Et donc cette matrice va un petit peu symboliser la manière dont vous définissez votre stratégie de propriété intellectuelle, sachant que classiquement on va se trouver dans la plupart des cas dans une stratégie dite défensive, autrement dit je choisis de poser un brevet pour protéger une certaine capacité à me développer sur des marchés. Si je remonte ici, je vais voir apparaître une stratégie de licence. Donc là, je cherche à pérenniser une situation, mais en position d'ouverture. Et donc, je vais licencier une technologie, un savoir-faire, sous forme de licence brevet, en fait, dans ce cas de figure-là, à l'extérieur, pour tenter de récupérer un certain nombre de revenus, tout en préservant ma position. Si je me déplace maintenant sur l'axe vers la droite, je vais avoir deux types de stratégies. C'est la stratégie dite de mouvement, où là, en fait, quelque part, je vais être le premier à créer de nouveaux domaines et à me mettre dessus. Et le temps que j'y arrive, eh bien, quand mes concurrents vont venir me rejoindre, j'aurai déjà prévu le coup d'après, donc j'aurai développé de nouvelles technologies. Ou une stratégie dite de coopération, où là, je vais plutôt chercher à optimiser mes coûts de R&D en recherchant à l'extérieur ce que je n'ai pas chez moi. Donc, expliqué d'une autre manière, si je regarde un petit peu ici les stratégies que je peux exprimer en tant qu'entreprise, ce sont des exemples mais qui sont assez révélateurs, et je vais voir quelle est la réponse pays et donc quel est le cadran qui va être défini dans ma stratégie de pays sur le diagramme précédent. Et donc, si par exemple je veux maintenir une certaine rentabilité d'exploitation, je vais chercher ce qu'on appelle la liberté d'exploitation, c'est-à-dire je ne veux pas que des concurrents viennent se positionner sur mon territoire, donc je définis des brevets sur lesquels je peux exploiter tranquillement mes produits en France, en Allemagne, en Chine, enfin là où j'ai déposé mes brevets. Donc c'est ce que j'appellerais le défensif. Si je veux chercher à maximiser des flux de revenus, donc augmenter les revenus, je vais chercher à licencier ma propriété intellectuelle à des acteurs qui auront la capacité de développer des produits utilisant ma technologie. Donc c'est la stratégie de licence. Si je cherche vraiment à faire ce qu'on appellerait du time to market, donc à réduire mes temps de R&D, là je vais rechercher à l'extérieur les compétences que je n'ai pas. Ça va être de la coopération. Ou si je veux chercher à conserver des positions de produits à forte marge, donc qui dit produit à forte marge dit je suis leader premier, eh bien, ça veut dire que je fais une course de vitesse. Là, je prends des exemples. Comment Arcos, typiquement, change sans arrêt de produit en espérant pas se faire rattraper par Apple. Bon, il y a un certain nombre d'entreprises qui font comme ça. Alors donc, si vous voulez, maintenant, je suis l'État, là, c'est un peu pour introduire Michel Neu. Je suis l'État, je pourrais raisonner d'une manière symétrique, puisque finalement, si je veux faire une politique pour les entreprises, pour leur stratégie de R&D, il faut que j'ai une réponse à leurs différentes stratégies dans les différents cadrans. Donc si je veux chercher à maintenir la rentabilité d'exploitation et les emplois sur le territoire, quelle est ma possible réponse propriété intellectuelle en termes de politique? Eh bien, ça va être une politique fiscale, par exemple, dans ce cas de figure-là, pour permettre à l'industrie française d'exploiter en France. Si je cherche à maximiser les flux des revenus sur le territoire, eh bien, je vais tenter de licencier l'API française à des tiers. Ça va être les fonds stratégiques du type France Brevet, les SAT, Société d'accélération du transfert de technologie, qui tentent de vendre des licences de brevets à l'extérieur. Si je veux appuyer la réduction du temps de R&D des entreprises innovantes, eh bien, il faut que l'API publique puisse être transférée vers les entreprises françaises. C'est l'aspect contrat transfert technologie publique vers privé. Donc c'est de la coopération. Si je veux favoriser les positions des entreprises à forte marge en France, eh bien, ça va être des start-up de ces marges et les dispositifs crédit impôt recherche qui vont faciliter, en fait, qui vont accélérer ces travaux. Donc en termes de stratégie de mouvement. Donc voilà, c'est un petit peu la vision qu'on peut faire, qui se traduirait sur ce schéma par quelque chose de ce genre. Et donc finalement, une politique de l'État en faveur de la recherche va considérer d'une certaine manière à regarder dans ces différentes actions quelles sont celles qui sont les plus prometteuses, qui sont les plus adaptées à la France en termes d'impact sur la recherche-développement des entreprises. Et donc, voilà. C'était un peu ma conclusion et l'introduction à la suite. On continue ? Eh bien, bonsoir. Donc, je suis Michel Neu, je suis expert senior propriété intellectuelle et valorisation au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Vous savez qu'on a changé de nom il y a 2 ans. On a rajouté énergie alternative à énergie atomique. J'ai commencé ma carrière en tant que scientifique au CEA dans le domaine de la R&D laser et optique, et j'ai fini ma carrière de scientifique comme chef d'un service de R&D laser de 60 personnes où on a travaillé sur le procédé de séparation isotopique par laser de la vapeur atomique pour enrichir l'uranium pour remplacer la diffusion gazeuse dans les usines d'enrichissement. Et à la fin de cette activité, on a valorisé les technologies qu'on avait développées pour Silva dans d'autres domaines. Et par exemple, j'ai fait des transferts de technologies de laser YAG pompé par diode pour différentes utilisations dans le domaine du marquage, de la découpe, etc. Donc du coup, je suis tombé dans la valorisation et je suis venu à la direction de la valorisation du CEA en 2002, où je suis donc depuis 10 ans. J'ai d'abord exercé les fonctions de chef d'un service des accords et la propriété intellectuelle des unités de la direction de la recherche technologique en Île-de-France. Et depuis 4 ans, je m'occupe d'actions transverses. Par exemple, je suis chef de l'IP Committee du KIC InnoEnergy, qui est une initiative européenne de fédération des industriels et de la recherche publique dans le domaine des énergies nouvelles. J'ai plusieurs fonctions aussi dans le domaine de la normalisation, chargé de déployer un plan d'action normalisation pour l'ensemble du CEA, pour intéresser les chercheurs à la normalisation. Maintenant, il s'agit non seulement d'intéresser les chercheurs à la propriété intellectuelle, ce qui est quasiment fait, et maintenant, il faut aussi les intéresser à la normalisation, puisque, effectivement, des technologies développées où on s'est préoccupé de la propriété intellectuelle sans se préoccuper de la normalisation peuvent conduire à des impasses. Et donc, j'ai fait des études aussi, des benchmarks internationaux dans le domaine de l'innovation. Et donc là, je vais vous proposer, un peu en continuité de l'exposé de Pierre, une étude que j'ai faite récemment, qui s'appelle « Analyse du système d'innovation en France et recommandations d'amélioration », puisqu'on va voir que les choses ne sont pas si brillantes que ça. En effet, on parle beaucoup de croissance basée sur l'innovation. On parle aussi beaucoup de la propriété intellectuelle et notamment des brevets comme moteur de l'innovation. Pierre l'a dit, l'API comme moteur de l'innovation. Et l'intitulé des dernières rencontres de la propriété intellectuelle organisées par la Compagnie nationale des conseils en propriété intellectuelle en mars dernier était d'ailleurs la croissance par l'innovation. Mais qu'en est-il vraiment en France? Alors, constat numéro un, malheureusement, ça n'est pas si rose que ça. On a un système d'innovation français qui est malheureusement globalement peu efficace. Il y a plusieurs baromètres internationaux de la mesure de la capacité des États à innover, et le plus connu d'entre eux est le classement Global Innovation Index 2011 de l'INSEAD, qui classe donc 125 pays par une étude très détaillée sur leur capacité à innover. C'est un classement effectivement qui se base sur l'analyse de 80 indicateurs aussi divers que l'environnement institutionnel, la recherche et le capital humain, les infrastructures, la sophistication du marché, la sophistication des entreprises, les outputs scientifiques et les outputs créatifs. Donc à partir d'environ 80 indicateurs, on mélange tout ça et on obtient un classement global où la France est 22e sur 125 pays analysés, au même niveau que la Hongrie ou l'Estonie, alors que dans le premier classement de ce type, il y a 6 ans, on était 8e. Donc, plusieurs des paramètres analysés sont relatifs à la propriété intellectuelle, et c'est là qu'on voit déjà des choses inquiétantes. La France baisse en termes de nombre de brevets déposés par les résidents nationaux à l'INPI. Par exemple, la France, par rapport à tous les autres pays déposant dans leurs offices respectifs, la France n'est plus que 21e pour les brevets déposés si on les ramène au PIB. Il y a un autre paramètre qui est inquiétant, c'est que la France est 17e pour les exportations de propriété intellectuelle au niveau des flux de propriété intellectuelle entre États. La Banque mondiale voit passer les flux de propriété intellectuelle, donc on est 46e pour les importations de propriété intellectuelle, c'est-à-dire des achats de brevets ou des prises de licences qui nous permettraient effectivement d'enrichir l'innovation en France pour les transformer en produits. Donc on n'est que le 46e pour les importations de propriété intellectuelle, c'est-à-dire l'absorption de propriété intellectuelle, alors qu'on est 17e pour les exportations de propriété intellectuelle. Donc c'est quelque chose sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Globalement, le flux de propriété intellectuelle, la différence entre les importations de propriété intellectuelle et les exportations de propriété intellectuelle, c'est une véritable fuite de propriété intellectuelle hors de France à laquelle nous assistons actuellement et qui, on le verra tout à l'heure, se traduit et explique en grande partie par la désindustrialisation du pays et par le déficit de la balance commerciale. Vous savez que l'an dernier, le déficit de la balance commerciale du pays n'a jamais été aussi fort, puisqu'il était de moins 70 milliards d'euros, alors que, par exemple, soumis à la même crise de la dette, au même coût de l'énergie, aux mêmes coûts salariaux et au même environnement économique difficile, l'Allemagne a fait l'an dernier une balance commerciale positive de 160 milliards d'euros, et les premiers chiffres connus pour cette année montrent qu'on est sur la même pente. Donc avant de passer à ça plus dans le détail, voilà un certain nombre d'autres classements qui confirment que notre système d'innovation français est globalement peu efficace. La France est 11e par exemple sur les 27 pays européens dans l'Innovation Union Scoreboard commandé par la Commission européenne. Un autre classement assez inquiétant commandé par General Electric qui s'appelle Global Innovation Barometer. Une des questions posées à 2800 industriels dans le monde, dont 100 en France. Les 100 industriels français jugent que l'environnement politique, économique et social du système national d'innovation est négatif. Il n'est même pas faible ou peu efficace, il est négatif, et sur ce critère, la France arrive 19e sur 22. Même chose dans le classement The 50 Most Innovative Companies 2010, de BCG Business Week, il n'y a aucune grande société française dans les 50 sociétés les plus innovantes au monde, alors qu'on a 5 sociétés dans les 100 premières capitalisations boursières. À titre de comparaison, l'Allemagne, qui n'a aucune société dans les top 50 des capitalisations boursières et qui en a que 4 de la place 50 à la place 100 des capitalisations boursières, a réussi à placer 3 grands groupes dans les 50 sociétés les plus innovantes, pardon. Et un des paramètres aussi qu'on retrouve dans l'étude commandée par la Commission européenne est que le pourcentage de PME innovantes ramenées au total des PME, les PME françaises sont beaucoup moins innovantes que les PME allemandes, ainsi que celles de la plupart des pays européens. Donc, constat inquiétant, nos grands groupes seraient donc peu innovants, nos PME sont peu innovantes, qui est donc innovant en France? Et il y a d'autres classements, j'en ai encore trouvé un la semaine dernière, The Global Clean Tech Innovation Index de 2011 du World Economic Forum classe la France 19e sur 38 pays analysés sur l'innovation dans le clean tech. Et par exemple, pour l'indicateur existence de technologies clean tech commercialisées dans le pays, on n'arrive que 31e sur 38 pays analysés. Bon, il y a d'autres classements. La France arrive 23e sur 142, aussi dans un classement World Economic Forum, Networked Readiness Index, qui mesure l'état de préparation des États à exploiter les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et enfin, la France arrive 29e dans le classement de la Banque mondiale sur la facilité des entrepreneurs à exercer une activité industrielle ou marchande. Donc, un système d'innovation français globalement peu efficace. Constat numéro 2, donc je l'ai déjà introduit. La France peine à fixer sur son territoire la propriété intellectuelle pour la transformer en activité industrielle et en emplois nationaux. Hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, la France exporte annuellement beaucoup plus de droits de propriété intellectuelle qu'elle n'en importe. En gros, on exporte environ 10 milliards de dollars de droits de propriété intellectuelle qui sont soit des cessions de brevets, soit des redevances sur des concessions de licence, soit des transferts de propriété intellectuelle entre filiales de groupes multinationaux. Je reviendrai plus tard sur ce point. Et la fuite cumulée hors de France est de 24 milliards de dollars depuis 2004. Et la création de valeurs économiques et de l'emploi correspondant se font l'étranger. Alors effectivement, il y a des gens qui disent, notre balance commerciale n'est pas terrible, mais au moins on est bénéficiaire sur la propriété intellectuelle, puisqu'on vend plus de propriété intellectuelle qu'on en achète. Malheureusement, les choses sont beaucoup plus compliquées que ça, puisque quand on donne une licence à un industriel allemand pour fabriquer un produit qui vaut 100, les redevances qu'on va percevoir en France vont être de 2. Il faut savoir que 2%, c'est le taux moyen des redevances, par exemple aux États-Unis, par rapport au chiffre d'affaires pour l'ensemble de la recherche publique américaine. C'est on trouve ça dans les rapports AUTM, Licensing Surveys. Donc la valeur de 100, elle est en Allemagne et le retour pour la France est de 2. Alors, effectivement, il y a des études de l'AUTM qui ont montré aussi que pour un État, finalement, l'exploitation d'une propriété intellectuelle transférée de la recherche publique, l'État va gagner environ 20 fois plus en termes de total des taxes, des impôts sur le bénéfice des sociétés, des cotisations sociales patronales, employés, la TVA et l'impôt sur le revenu des salariés. Donc l'État ramène 20 fois plus d'argent par l'exploitation directe de la propriété intellectuelle sur son sol que par le retour par les licences. Donc effectivement, ceux qui pensent qu'on va gagner de l'argent en France en vendant notre propriété intellectuelle à l'extérieur se trompent. Et j'ai eu l'idée, par exemple, de mettre sur un même graphe l'évolution de notre balance commerciale globale et la balance commerciale des droits de propriété intellectuelle. Donc en bleu, vous avez la fuite de propriété intellectuelle qui est donc définie comme étant la différence entre ce qu'on vend à l'étranger et ce qu'on achète, et donc la balance commerciale. Alors l'échelle de la balance commerciale globale est multipliée par 10 pour que ça tienne sur un même graphe, et on voit effectivement le tournant de l'an 2000 a été particulièrement néfaste pour la France, puisqu'avant 2000, on achetait plus de droits de propriété intellectuelle à l'étranger qu'on en vendait. Donc on absorbait globalement de la propriété intellectuelle qu'on transformait en emploi effectivement sur le territoire. Et comme par hasard, on avait une balance commerciale globale positive puisqu'on fabriquait des produits qu'on pouvait vendre à l'étranger. Et depuis les années 2000, il y a une inversion de la tendance. Donc on vend plus de droits de propriété intellectuelle à l'étranger qu'on en achète et on se retrouve avec des balances commerciales malheureusement, massivement négatif. Hein. Encore une fois, là, je me suis arrêté à 2010, mais en 2011, notre balance commerciale globale a été négative de moins 70 milliards d'euros. Et j'ai mis donc une évidence, une corrélation claire entre fuite de propriété intellectuelle, balance commerciale négative et désindustrialisation. Il faut savoir, par exemple, que la part de la valeur ajoutée de l'industrie manufacturière dans le PIB français n'est plus que de 11% en France contre 21% en Allemagne. Quand j'ai fait cette étude, j'étais vraiment déconcerté. On est au même niveau que l'Angleterre. On a souvent l'impression que l'Angleterre, c'est un pays complètement désindustrialisé. Ils sont mis dans les services, etc., etc. Eh bien non, on est au même niveau qu'eux. Derrière l'Espagne et l'Italie, par exemple, l'Espagne est à 13% et l'Italie est à 16%. On est un des derniers pays de l'OCDE en termes de part ajoutée par l'industrie manufacturière dans le PIB. Alors, la corrélation entre balance commerciale négative et désindustrialisation, il faut savoir qu'avant 2000, et là, j'ai cadré mon étude sur des études du Trésor qui analysaient le recul de l'emploi industriel en France de 1980 à 2009. Quelle est la réalité? La réalité, c'est qu'avant 2000, il y avait quand même une certaine baisse du taux de l'industrie dans le PIB, mais qui était lié à l'externalisation de certains services aux entreprises à l'extérieur des entreprises. Ce mouvement d'externalisation des services à l'entreprise à l'extérieur des entreprises s'est stabilisé à partir de 2000, et à partir de 2000, ce qui continue à accélérer le taux de désindustrialisation en France, c'est clairement, d'après cette étude du Trésor, effectivement le déficit de la balance commerciale. Ceci est rapporté aussi dans un rapport de l'Assemblée nationale, le rapport CARES, économie, commerce extérieur du 12 octobre 2011. Ainsi, sur la période 2011-2008, la croissance moyenne française s'est expliquée pour 1,5 point de PIB par la consommation, 0,7 point par l'investissement, les échanges extérieurs lui apportant une contribution négative de moins 0,5 point par an. C'est-à-dire que le déficit de notre balance commerciale pèse moins 0,5 point de PIB, de notre PIB, sachant que dans d'autres parties de ce rapport, ainsi que dans d'autres rapports dont je vous parlerai tout à l'heure, les économistes soulignent le danger qu'il y a à soutenir la consommation, qui est donc à l'origine de plus 1,5 point en moyenne de PIB, par l'augmentation de la dette. Si on continue à soutenir la consommation en France par l'augmentation de la dette publique, la France se positionne sur la trajectoire de l'insolvabilité, ce qui veut dire que dans un pays à fort coût de main-d'œuvre, la croissance et l'innovation devraient se traduire par une balance commerciale positive. Alors, l'autre chose que je voulais vous signaler, c'est que dans les flux propriété intellectuelle, quand on regarde dans le détail ce que c'est, il y a eu un rapport un peu général sur les marchés de propriété intellectuelle Conseil d'analyse économique en juillet 2010, il faut savoir que plus de 90% de ces flux de propriété intellectuelle sont liés à des transferts de droits de propriété intellectuelle entre filiales de multinationales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les multinationales françaises délocalisent la propriété intellectuelle à l'étranger deux fois plus vite que les multinationales étrangères ne localisent de la propriété intellectuelle en France. Donc ça, c'est un phénomène effectivement éminemment inquiétant. Alors, cette corrélation claire entre fuite de propriété intellectuelle et balance commerciale négative, là, j'ai donc fait sur la France sur une durée de 15 ans, mais je l'ai aussi fait pour une année donnée, entre un grand nombre de pays. Et on retrouve la même conclusion. Les pays ayant une balance de droits de propriété intellectuelle équilibrée ou négative, c'est-à-dire que soit ils ont une balance équilibrée, soit ils absorbent en moyenne de la propriété intellectuelle, ont une balance commerciale positive. L'Allemagne absorbe plus de droits de propriété intellectuelle qu'elle n'en externalise. L'Autriche, le Canada, la Corée du Sud, Singapour, la Chine, bien évidemment. La Chine achète massivement de la propriété intellectuelle à l'étranger, ou alors les multinationales étrangères transfèrent massivement leurs droits de propriété intellectuelle en Chine. Il y a environ 12 milliards de dollars de droits de propriété intellectuelle qui rentrent chaque année en Chine, et il n'y en a qu'un qui sort, hein. Ils ne sont pas fous, ils veulent garder la propriété intellectuelle sur leur sol national pour créer de l'industrie, et comme par hasard, la valeur ajoutée de l'industrie manufacturière en Chine fait 35% du PIB contre 11% en France. Et puis de l'autre côté, il y a les pays qui ont une fuite de propriété intellectuelle, c'est-à-dire une balance de droits de propriété intellectuelle positive, c'est-à-dire effectivement qui vendent plus de droits de propriété intellectuelle qu'on en achète, et comme par hasard, ils ont tous une balance commerciale globalement fortement négative qui pèse sur leur croissance. Les exemples types, c'est la France, mais aussi la Grande-Bretagne. Donc oui, la propriété intellectuelle est bien le moteur de l'innovation et donc de la croissance, Encore faudrait-il qu'il soit la propriété intellectuelle soit exploitée préférentiellement sur le sol national. Donc voilà des constats, somme toute, très alarmants. Alors, les causes, je me suis intéressé ensuite aux causes de cette faible efficacité du système national d'innovation. Hein, c'est pas la peine de se mettre la tête dans le sable. Notre système est peu efficient, il faut en comprendre les causes pour essayer de proposer des solutions. Comme je l'ai déjà dit, donc la France est largement désindustrialisée. 11% l'industrie manufacturière pèse 11% dans le PIB contre 19% en Allemagne et 35% en Chine. L'Espagne, c'est 13%, l'Italie, 16%. L'Espagne a des clusters de PME, par exemple, au Pays Basque et en Catalogne, relativement actifs, malgré la grave crise qu'ils traversent. L'Italie du Nord a un gros tissu de PME dans le domaine de la machine-outil qui marche encore relativement bien et qui, finalement, fait jeu presque égal avec l'Allemagne. Cause de cette faible efficacité du système national d'innovation. J'ai eu là aussi l'idée de mettre sur un même graphe l'évolution à la fois du total des échanges de droits de propriété intellectuelle entre États dans le monde, hein, c'est-à-dire que les 10 milliards dont on parlait tout sommet sur l'ensemble des pays. Il faut savoir que effectivement la somme des transferts de propriété intellectuelle dans le monde est passé effectivement et maintenant en 2010 186 milliards de dollars d'échanges de droits de propriété intellectuelle entre les États, alors qu'en 1994 c'était 5 à 6 fois moins. Et donc vous voyez cette augmentation très rapide des flux de droits de propriété intellectuelle dans le monde qui, encore une fois, sont liés à 90% aux multinationales, donc qui délocalisent leur propriété intellectuelle dans des pays où ça les arrange bien. Et en bleu, j'ai trouvé ça dans d'autres rapports, le pourcentage de la R&D que les multinationales font en dehors de leur pays d'origine. Et vous voyez que effectivement le graphe bleu augmente aussi très rapidement. Là aussi, il y a un changement de paradigme aux alentours de l'an 2000. On voit à la fois le pourcentage de R&D fait par les multinationales en dehors de leur pays mère augmenter très rapidement, et aussi en parallèle, effectivement, une augmentation très rapide des transferts de droits de propriété intellectuelle qu'ils font. Donc tout ça, ça veut dire quoi? C'est qu'on a changé effectivement de vitesse pour la délocalisation. On délocalise plus seulement la fabrication, mais on délocalise aussi les labos de R&D pour alimenter les usines de fabrication, et on alimente ces labos de R&D dans les pays où on a délocalisé par la propriété intellectuelle qui vient du pays mère. Donc la globalisation, c'est ça. L'open innovation, c'est ça. Donc, ça veut dire quoi si on en revient aux politiques publiques de R&D? Un État, effectivement, doit bien évidemment tenir compte de ce phénomène, qui est un phénomène mondial qui touche tous les pays. Hein. Toutes les grandes multinationales de tous les pays font la même chose. Le gros problème de la France, c'est que localisations de propriété intellectuelle et de R&D des multinationales étrangères en France est deux fois plus faible que la délocalisation de la propriété intellectuelle et des activités de R&D des multinationales françaises. Donc ça, c'est un problème spécifique à la France. Mais sinon, ce phénomène délocalisation et touche tous les pays du monde. Et donc, effectivement, la seule façon qu'a un État de prendre en compte ce phénomène qui est récent, vous voyez qu'il explose à partir de 2002, c'est de recentrer effectivement la politique publique d'aide à la R&D des entreprises vers les PME, étant entendu, bien entendu, que les PME ont moins souvent des filiales à l'étranger que les grands groupes. Or, que voit-on par ailleurs en France, c'est qu'on a une politique publique d'aide à la R&D des entreprises défavorables aux PME. Dans les rapports de l'OCDE, la France est un des trois pays de l'OCDE ayant une politique biaisée en défaveur des PME. Ça se retrouve aussi effectivement dans des données de l'INSEE. En gros, quand la taille des sociétés fait moins de 20 personnes, il y a quand même en France un peu des aides aux start-up et aux jeunes entreprises innovantes qui font que l'aide publique à la R&D des start-up et des TPE jusqu'à 20 personnes est de l'ordre de 12%. De 20 à 500 salariés, l'aide tombe à 5%. Et au-delà de 500 salariés, l'aide publique à la R&D des entreprises remonte au-dessus de 12%. Or, tous les rapports de l'OCDE montrent que les PME qui vont créer le plus d'emplois et le plus d'innovations, c'est les PME de 50 à 500 personnes, là où l'aide publique à la R&D des entreprises est la plus faible. En France, c'est les rapports perspectives de l'OCDE sur les PME et l'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat OCDE 2005 et l'OCDE SME Outlook de 2002. Donc voilà une des raisons, une des causes de cette faible efficacité du système national d'innovation, avec aussi l'insuffisance des outils financiers institutionnels pour le transfert de technologies de rupture de la recherche publique vers les PME. Il faut savoir qu'il y a un véritable goulot d'étranglement en France pour le transfert de technologies de rupture des labos de recherche publique vers les PME. Il y a certains dispositifs d'aide aux PME à l'innovation incrémentale, incrément d'ailleurs basé sur les technos des PME, mais il n'y a pas de réel et de grande ampleur outils financiers d'aide au transfert de la technologie de rupture des labos de recherche publique français vers les PME. Ensuite, on a un autre paramètre qui est très intéressant et qui est relevé dans beaucoup de rapports de benchmark internationaux, c'est que la part du budget de la recherche publique française sur appel à projets compétitifs, les appels à projets compétitifs comme l'Agence nationale pour la recherche, le Fonds unique interministériel dans les pôles de compétitivité, le PCRD européen, eh bien, en France, cette part de budget public, de recherche publique sur appel à projets compétitifs est l'un des plus faibles de l'OCDE. Il n'est que de 12%, alors même que les rapports internationaux montrent que les outputs de recherche en termes de publication, de facteurs d'impact des publications, en termes de brevets, de licences, de transfert de technologies et de création de start-up, les outputs de recherche, et c'est un des résultats du rapport de Philippe Aguillon à Valérie Pécresse le 26 janvier 2010, les outputs de la recherche publique sont clairement liés au pourcentage du budget de la recherche publique sur appel à projets compétitifs. D'ailleurs, un rapport de la Commission européenne a récemment confirmé ceci. C'est un rapport qui a analysé 200 universités en Europe qui font de la R&D. Qui a recherché quelle est la part du budget de recherche de ces universités sur appel à projets compétitifs par rapport à leur budget global de recherche. La moyenne européenne, c'est 20%, alors qu'en France, c'est 12%. Et un des autres résultats très intéressants de l'étude de la Commission européenne a regardé comment se distribuait cette valeur moyenne de 20% entre les universités autonomes et les universités non autonomes. Alors, pour les universités autonomes, le bon sens et la logique veut effectivement que le taux du budget de recherche public sur appel à projets compétitifs des universités autonomes est plus important que les universités non autonomes. Et effectivement, la part du budget de recherche sur appel à projets compétitifs des universités autonomes en Europe est de 27% et les universités non autonomes sont 13%. Donc, à ma connaissance, on est le seul pays au monde qui a donné l'autonomie aux universités sans augmenter la part du budget de la recherche publique sur appel à projets compétitifs. Le benchmark international montre que tous les pays, alors je vous ai cité les pays européens, mais en Asie, au Japon, en Corée du Sud, c'est pareil, et aux États-Unis, c'est encore beaucoup plus fort, puisque le financement public de l'ensemble de la recherche publique sur appel à projets compétitifs lancé par les grandes agences fédérales de programmes américaines est de 65%. Voilà un petit peu les causes de cette faible efficacité du système national d'innovation. Alors, ensuite, on en a d'autres. Hein. Alors que les trois principaux modes de transfert de technologies publiques-privées sont par ordre d'importance les accords de R&D en tant que tels, soit des accords bilatéraux avec les industriels, soit en consortium dans les programmes financés par des agences de programmes publics. Ensuite, on trouve la création de start-up. C'est quand même une des missions de la recherche publique de créer des start-up, puis le licensing. Eh bien, la tendance de la politique publique de recherche est trop axée sur le troisième mode. Alors, vous me direz, tiens, l'accord de R&D, est-ce que c'est un outil de transfert de technologie en tant que tel? Eh bien oui. Pourquoi? Parce que les accords de R&D entre industriels et recherche publique sont effectivement, outre les résultats obtenus, source d'échanges tacites entre les chercheurs industriels et les chercheurs publics. Les informations tacites donnent à l'industriel des informations pour guider sa R&D interne, l'organisation de conférences, des idées nouvelles de programmes. Et effectivement, la valeur de ceci ne peut bien évidemment pas être estimée. Et il y a autre chose qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que effectivement, la R&D, il y a toujours un risque. Alors, quand une rupture technologique n'est pas franchie à l'occasion d'un accord de R&D, soit bilatéral entre un industriel et un organisme de recherche, soit en consortium, eh bien, le fait que la rupture n'a pas été franchie, ça n'est pas un échec, c'est une information. Et si les clauses de confidentialité de l'accord de R&D sont correctes, l'industriel va être le seul à connaître cette information. La rupture technologique que je voulais faire, elle n'est pas faisable dans cette techno. Donc il va pouvoir orienter sa R&D et sa fabrication, et ça aussi, ça a de la valeur. Donc l'accord de R&D en tant que tel est donc bien un mode de transfert de techno en tant que tel, et lorsqu'il n'est pas suivi d'un accord de licence, il faut se souvenir que, encore une fois, il aura servi à structurer la recherche et les partenariats, minimisant ainsi les risques de financement de programmes de R&D identiques. Ça, c'est un rôle assez méconnu du brevet. En fait, on estime dans le monde que la R&D qui se fait sans le système des brevets, 30% de la R&D qui se fait sans le système des brevets consiste à faire des choses qui ont été faites par ailleurs. Alors qu'avec le système des brevets, un brevet n'est délivré que quand il n'y a pas d'antériorité, etc. Et donc, ce rôle de structuration de la R&D, de l'open innovation du brevet, il est signalé dans de nombreux documents, dans justement le document AFNOR, Management de l'innovation, Management de la propriété intellectuelle, dans l'annexe 4 du rapport IGF sur la valorisation de la recherche publique, et dans le guide de l'intelligence économique pour la recherche public que la délégation interministérielle à l'intelligence économique a sorti en mars 2012. Si vous ne connaissez pas déjà ce document, guide de l'intelligence économique pour la recherche publique, je vous incite à le regarder. Il est vraiment très bon. Donc, voilà, il faut rééquilibrer la politique publique, non pas seulement vers le licensing, mais aussi vers les accords de R&D et la création de start-up, qui est quand même des missions principales de la recherche publique. Ensuite, il y a un autre paramètre qu'on voit très bien dans les études internationales, et notamment dans l'étude de l'INSEAD, c'est le fameux total tax rate, qui est défini dans les benchmarks internationaux comme le rapport des cotisations sociales patronales plus les taxes locales plus l'impôt sur le bénéfice des sociétés divisé par le résultat d'exploitation avant toutes ces taxes. Il faut savoir qu'en France, on est 117e sur 125 sur ce paramètre, c'est qu'on est un des pays au monde où ce total tax rate est le plus élevé avec une valeur de 67%, et ce total tax rate écrase en grande partie le développement de l'innovation en France. Par ailleurs, vous voyez les courbes ici, tout va bien, la France ne change pas de cap, notre total tax rate est constant depuis 5 ans, alors que tous les autres pays au monde ont compris que pour maintenir de l'industrie de l'innovation, il faut le baisser. Vous voyez la France tout en haut qui ne bouge pas. On a raison contre tous les autres et on continue comme avant. Vous avez la courbe du monde entier, vous avez la courbe de la zone euro et vous avez la courbe de l'Allemagne. Tout le monde baisse ce total tax rate et donc chaque année qui passe, l'innovation et l'industrie sont plus pénalisées en France par rapport à nos voisins, et j'ai cru comprendre que ça n'allait pas forcément changer dans les années qui viennent. Une autre constatation importante pour en revenir à la propriété intellectuelle, c'est qu'à résultat d'exploitation identique, finalement, quand on réfléchit bien, on a entendu pas beaucoup de bêtises sur l'évaluation de la valeur des brevets, mais en fait, la seule finalement définition valable de la valeur de la propriété intellectuelle, finalement, c'est la valeur d'un droit de propriété intellectuelle et la somme actualisée des bénéfices nets intégrés sur la durée d'exploitation. Donc c'est ça la définition de la valeur d'une propriété intellectuelle quand elle est exploitée. Et bien comme en France on a un total tax rate de 67%, le bénéfice net après taxes, impôts et cotisations sociales, en France il est que de 34%, hein, pour une valeur de 100, alors qu'en Allemagne le bénéfice net pour le même produit, pour la même propriété intellectuelle exploitée, pour les mêmes coûts salariaux, le bénéfice net dégagé est de 54 en Allemagne quand il est de 34 en France, c'est-à-dire que la valeur de la propriété intellectuelle quand elle est exploitée en Allemagne est plus élevée de 59% que lorsqu'elle est exploité en France. Donc vous franchissez le pont de quai là, à Strasbourg, et de l'autre côté vous aurez une valeur de la propriété intellectuelle plus forte qu'en France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on cherche à optimiser la valorisation de la recherche publique sur le seul licensing et la maximisation des royalties que vont toucher les établissements de recherche publique en espérant que ça va donner un cofinancement de la recherche publique, ce qui est tout à fait illusoire, et bien en faisant ça, on pousse à l'exploitation de la propriété intellectuelle hors de France, c'est-à-dire à l'augmentation de la désindustrialisation et effectivement au déficit de notre balance commercial. Le deuxième effectivement point négatif d'accès les politiques publiques sur la maximisation des licences de la recherche publique, donc il y a déjà celui-là qui n'est pas terrible. Le deuxième, c'est que ça oriente l'ensemble de la recherche publique vers les secteurs où les royalties sont les plus élevées. C'est dans le domaine des médicaments et des vaccins que les royalties sont les plus élevées, au détriment de tous les autres organismes de recherche. Par exemple, aux États-Unis, dans les sciences de la vie, le taux moyen des royalties est de 6% dans le domaine du médicament et des vaccins, et dans les autres secteurs industriels, de 2,8%. Voilà, donc les recommandations apparaissent logiquement suite à ces recommandations. Mettre en place des dispositions de type Bayh-Dole Act. Alors il faut savoir que le Bayh-Dole Act est une loi américaine absolument miraculeuse qui date de 1980, qui est inchangée depuis et qui régit l'ensemble des règles de propriété intellectuelle des résultats de la recherche publique, y compris dans les programmes institutionnels financés par les agences de programmes publics qui représentent donc 65% du financement de la recherche publique aux États-Unis. Il faut savoir qu'aux États-Unis, le moindre résultat de la recherche publique payé avec une partie d'argent public, la recherche publique américaine est tenue de la transférer préférentiellement vers les PME. Même dans les programmes tripartites, grands groupes, PME, recherche publique, la loi en amont dit transfert vers les PME. Le Bayh-Dole Act a d'autres, finalement, caractères positifs. L'obligation d'exploiter sur le sol américain, voyons, hein, c'est quand même de la recherche publique payée par l'argent du contribuable américain qui se dit, bon, ben, moi, je paye la recherche publique, donc moi, je veux que l'emploi soit créé sur le sol américain et non pas licencié dans le monde entier. Il faut savoir que la Chine a mis en place aussi le Bail-in Act à l'américaine. Ils se sont fait aider d'ailleurs par les sénateurs qui ont voté la loi. En Allemagne aussi, il y a des dispositions de type Bail-in Act, c'est-à-dire qu'il y a des agences de programme qui obligent les participants à exploiter sur le sol national ou européen. Et s'ils n'exploitent pas sur le sol européen, ils doivent rembourser les subventions publiques qu'ils ont obtenues pour faire le programme de R&D. Donc on voit que la mise en place de ce type de disposition en France sera très bénéfique. Alors il faut, comme j'ai dit tout à l'heure, mettre aussi des outils financiers de collaboration des labos publics vers les PME pour justement pouvoir transférer l'innovation de rupture vers les PME. Il faut augmenter plus généralement l'aide publique à la R&D des PME pour s'aligner sur le benchmark international, et il faut aussi augmenter la part de financement compétitif sur les programmes institutionnels. Il faut développer le dispositif Carnot et maintenir le crédit d'impôt recherche, ce qui contribuera à amplifier les relations publiques-privées et augmentera les outputs des établissements de recherche et les excellents. Et leur excellence. Il faut savoir aussi qu'une des conséquences principales du Bail-in Act américain, et ça c'est extrêmement signifiant, c'est qu'il met le transfert de des technologies basées sur le système des brevets et des licences à l'intérieur de la mission principale de la recherche publique, y compris universitaire, de diffusion des connaissances. Le transfert de technologie par le système des brevets et des licences est vu comme faisant partie intégrante de la mission principale des universités aux États-Unis. En France et en Europe en général, et en France en particulier, vous savez que la mission numéro un des enseignants-chercheurs, notamment universitaires, c'est l'enseignement. La mission 2, c'est la diffusion des connaissances. Et la mission 3, qui est donc différente de la mission 2, c'est la valorisation. Donc la valorisation, c'est une activité annexe. Alors tout le monde a beau faire tous les efforts pour dire c'est important, etc., etc. Aux États-Unis, la grosse différence, c'est que le système de transfert de technologie basé sur le système des brevets et des licences fait partie intégrante de la mission principale de diffusion des connaissances. Et ça a des conséquences très importantes. Voilà, il faut freiner la fuite de propriété intellectuelle protégée hors du pays. Alors, le Bail-in Act a des dispositions pour retenir la propriété intellectuelle. Bon, il faut freiner aussi les dispositifs des marchés secondaires de brevets. Et puis, il faut recentrer les dispositions de type accélération du transfert de technologie vers le financement d'opérations de maturation technologique ou de prise de participation des investisseurs financiers dans les start-up ou les TPE destinataires des transferts de technologie de la recherche publique. Il faut freiner les autres fuites de connaissances en dehors du pays. Donc, j'ai parlé de travaux de la délégation interministérielle à l'intelligence économique, et il faut freiner les dispositions idéologiques de type open access et open source qui, là non plus, n'aident pas à transformer des connaissances en emploi en France. Plus globalement, il faut resituer la propriété intellectuelle dans la politique d'innovation en vue de la réindustrialisation du pays. La propriété intellectuelle de la recherche publique devrait être orientée prioritairement pour l'exploitation sur le territoire national et de façon préférentielle vers les PME et les entreprises de taille intermédiaire, afin de créer ou de consolider des écosystèmes d'innovation où les grands groupes trouveront localement des PME ETI innovantes comme fournisseurs de composants à intégrer dans leur système, ce qui permettra aussi d'accroître l'innovation dans les grands groupes au bénéfice de tous. Oui. Donc, vous voyez, là, c'est l'important, c'est qu'aux États-Unis, le Bail-in Act semble privilégier les PME, mais finalement, j'ai analysé ça dans le détail, les grands industriels américains, ils participent massivement au programme des agences fédérales et ils récoltent 50% des financements des agences fédérales. Et malgré la clause de transfert préférentiel vers les PME, ils ont quand même 30% des licences de la recherche publique. Donc les grands industriels vont dans ces programmes parce que ils ont 50% des financements, 30% des licences de la recherche publique. Les PME y vont parce qu'ils vont avoir 70% des transferts de technologie des labos publics. Et les labos publics y vont parce que c'est incitatif. Dans le PCRD, il faut savoir que les clauses paraissent favorables aux grands groupes, mais ils n'y vont pas. Les grands industriels ne récoltent que 17% des financements du PCRD, malgré des clauses qui leur paraissent favorables, alors qu'aux États-Unis, 50% des financements va vers les grands groupes, malgré cette clause préférentielle de transfert vers les PME, ce qui démontre qu'une clause de transfert vers les PME est aussi au bénéfice des grands groupes. Et c'est comme ça qu'on fait des écosystèmes alliant des grands groupes, des PME et des labos publics dans le même périmètre territorial et géographique. Voilà, donc ça c'est simplement le transparent, j'ai quasiment fini, qui montre simplement que le CEA, effectivement, depuis sa création, il fait du transfert de technologie et qu'il est au service de l'innovation et de la réindustrialisation, et il est plus que jamais au service de l'innovation et de la réindustrialisation du pays. Hein. Nous, quand on crée des start-up, c'est pas pour qu'elles végètent à 5 ou 10 personnes, c'est pour qu'elles montent à plusieurs centaines de personnes. Et là, par exemple, vous avez l'exemple de Soltech qui fait 1300 personnes et qui est une start-up du CEA Leti. Et d'ailleurs, je profite de l'exemple Soltech pour vous dire effectivement que le brevet principal qui est dans la licence exclusive de Soltech, dans le brevet CEA, c'est un brevet de recherche amont, fondamentale, qu'on a mis 12 ans pour mettre dans une licence. Et c'était la licence Soltech. Si ce brevet, on s'était dit, tiens, on va chercher à le vendre à l'international ou je ne sais quoi, eh bien, on l'aurait mis sur les marchés secondaires des brevets, on n'aurait jamais créé 1300 emplois en France 15 à 20 ans après. voilà, donc on est un peu tard, j'y vais rapidement. Juste pour vous dire que les recommandations générales que j'ai exposées aux slides 6 et 7 sont issues de nos 50 années, voire 60 années maintenant, de transfert de technologie et des résultats du CEA en termes de transfert de technologie et de valorisation. Voilà, j'en ai terminé. Je ne sais pas si vous avez des questions. Merci. Donc, dans votre tableau, on peut lire donc, deux données. Alors, je vois un peu mal, hein, je suis navré, en bleu et en rouge. C'est ? Alors, en bleu, c'est donc le pourcentage de la R&D des entreprises multinationales faites en dehors du pays mère. D'accord, c'est donc on est d'accord. C'est sur l'échelle de gauche, c'est-à-dire qu'en 2005, par exemple, vous voyez que dans le monde entier, 25% de la R&D des multinationales se fait en dehors de leur pays mère. Donc on est bien d'accord, quand on parle de pays mère, c'est le pays où elles sont, où le siège social réside. Voilà, c'est ça. On est d'accord. Et donc c'est de manière opérationnelle, où est-ce qui est fait, où est-ce qui est développé la R&D ? On est bien d'accord. Voilà, c'est ouais. Ça. Est-ce que, alors je ne sais pas si parmi vos études vous avez ces chiffres, mais pour moi je pense qu'il serait intéressant de savoir qui détient les, quelles sociétés, quelles personnes morales détiennent les propriétés intellectuelles et où est-ce qu'elles sont domiciliées. Pourquoi ? Parce que dans beaucoup de multinationales, en fait, ce qui est fait, du moins par rapport à mon point de vue, hein, il y a de la R&D, sauf que les propriétés intellectuelles sont délocalisées dans des paradis fiscaux. Pourquoi ? Parce que derrière, en fait, vous avez des possibilités de faire tout ce qui est prix de transfert, et donc, du coup, après, faire de l'évasion fiscale. Et de mon point de vue, en fait, je pense que ce serait une donnée à rajouter peut-être dans vos slides pour voir l'impact, en fait, que les prix de transfert et l'impact des sociétés du moins, qui sont domiciliées en offshore ont sur le développement de la propriété intellectuelle. J'ai analysé en partie ce point. Par exemple, la Chine n'est pas un paradis fiscal. Et la Chine absorbe 11 milliards de 12 milliards de droits de propriété intellectuelle par an et elle n'en exporte que un. Donc, effectivement, j'ai fait cette analyse en regardant précisément pays par pays, la Chine, l'Allemagne, tout ça, c'est pas des paradis fiscaux et donc les flux de propriété intellectuelle entrant, c'est pas de l'évasion fiscale. En Allemagne et en Chine, on peut pas parler d'évasion fiscale, c'est la véritable traduction en politique industrielle et en emploi. Mais vous avez raison. Je ne sais pas, on peut estimer peut-être à 10 ou 20% l'évasion fiscale, mais 80 à 90% c'est de l'industrie. Oui, je voulais juste effectivement rajouter à ce commentaire, c'est que la propriété intellectuelle, enfin, quel que soit le montage d'évasion fiscale, à un moment donné, le groupe en question, il réexploite cette propriété intellectuelle dans un pays donné, c'est-à-dire là où il fabrique ou là où il vend. Là où il vend, quoi, au fond. Et c'est ça qu'on retrouve... Dans ces schémas. En plus, bon, là, on parle de R&D hein, dans ce schéma-là. Hein, c'est bien ça qu'on peut voir. J'aurais deux, trois questions. Alors, bonsoir. J'aurais deux, trois questions, en fait. La première, c'est vous avez montré le différentiel balance commerciale et propriété intellectuelle et fuite de la propriété intellectuelle. Mais est-ce que vous avez les chiffres, par exemple, pour l'Europe, si on fait cette même analyse, mais pour l'Europe, pour savoir est-ce que la fuite d'API se fait principalement en Europe ou vers où se fait la fuite de pays en France ? En fait, effectivement, j'ai commencé... À regarder, il faut savoir que effectivement la fuite française se fait à la fois vers l'extérieur de l'Europe, se fait à la fois vers les pays d'Europe centrale à faible coût de manœuvre. Finalement, à l'intérieur de l'Europe, on a des pays émergents, finalement. Mais aussi, et je dirais que c'est presque un tiers, et un tiers vers des pays à PIB par habitant similaire au nôtre, au coût. Salariaux les mêmes que nous, mais où le total tax rate est beaucoup plus faible que nous. C'est-à-dire qu'un tiers de ce qui sort de France, en gros, sort d'Europe, un tiers va vers les pays de centre-Europe et un tiers va vers des pays européens à fort niveau de vie et à fort coût salariaux, mais à faible total tax rate, comme l'Allemagne, la Hollande et le Danemark. Donc il n'y a pas une destination préférentielle. Ils ne font pas non. tous en Chine. Il y a vraiment les trois stratégies. Délocaliser vers des pays émergents comme la Chine, l'Inde, le Brésil. Ça fait moins d'un tiers des délocalisations. Il y a Singapour qui a un des total tax rates les plus faibles du monde et qu'il faut savoir qu'il développe une industrie, notamment dans les technologies de l'information et de la communication très rapidement, qui absorbe pas mal de propriété intellectuelle. Il y a le Canada, les trois stratégies sont possibles, soit externaliser vers des pays émergents à faible coût de main-d'œuvre, soit vers des pays à fort coût de main-d'œuvre, mais où le total tax rate va être plus faible. En Europe, c'est le cas de l'Allemagne, de l'Autriche. Il y a aussi le cas de l'Irlande. Hein, il y a eu des papiers récemment qui sont sortis, il y a eu des interventions lors des rencontres internationales de la propriété intellectuelle du mois de mars qui montraient que Google venait bénéficier du crédit d'impôt recherche en France et allait installer ses usines de production en Irlande parce que l'Irlande a un total tax rate de 25%, quand nous on a un total tax rate de 66%. Et ça, ce n'est pas de l'évasion fiscale, puisqu'ils installent bien de la production logiciels et informatiques en Irlande, simplement, ils payent des cotisations sociales patronales très faibles en Irlande pour embaucher leurs salariés. Et il faut savoir que c'est une tendance de fond. La délocalisation, c'est plus seulement vers les pays émergents, c'est maintenant, et c'est ça qui est inquiétant pour la France, vers des pays au même mode de vie que la France, au même PIB par habitant, aux mêmes structures de coûts, mais avec des total tax rates beaucoup plus faibles. Ok, donc après deux autres questions, vous avez dit que 17% du PCRD allait vers les grands groupes. Vous pourriez expliquer pourquoi c'est un chiffre faible et où va le reste ? Alors effectivement, le PCRD, ça c'est rigolo, j'ai étudié ça à fond. La Commission européenne s'intéresse beaucoup à savoir comment est distribué l'argent qu'elle finance. Et donc en fait, il y a 17% vers les grands groupes, il y a 15% vers les PME et les restes vers la recherche publique. Donc nous, recherche publique, on pourrait se dire c'est super, on bénéficie donc de 68% des financements du PCRD, on est super content. Ben, on n'est pas super content parce que les règles de la propriété intellectuelle et l'impact économique de ces projets est insuffisant à cause d'une gestion de la propriété intellectuelle insuffisante. Aux États-Unis, les grands groupes prennent 50% du financement. La recherche publique, 45%, et les PME, que 5%. Alors, on pourrait se dire, mais ils ont donc une politique défavorable aux PME. Eh bien non, pas du tout, parce que les PME, ils vont massivement en nombre, mais pas en part projet de financement pour leur propre part de projet, puisqu'elles viennent pour avoir des licences préférentielles de la recherche publique. Elles ont 70% des licences de la recherche publique américaine. Donc voilà un écosystème qui marche. En Europe, ça ne marche pas. Les grands groupes n'ont que 17% des financements. Oui, mais ils n'ont que 17% parce qu'ils n'en demandent pas assez ou parce que politique européenne n'est pas orientée vers eux. Non, c'est parce qu'ils trouvent que les règles de propriété intellectuelle du PCRD ne sont pas suffisamment incitatives alors qu'ils ont eux-mêmes fait du lobbying pour qu'elles soient celles qu'elles sont. Quand on commence à parler au niveau du PCRD de préférence de transfert de technologie vers les PME, comprenez bien que ça passe pas. Alors que c'est leur intérêt. L'explication a été un peu rapide tout à l'heure. Mais voyez, dans les programmes américains, les PME, elles ont des licences exclusives à la fin des programmes de R&D sur des composants qui vont donner des positions concurrentielles fortes aux PME, qui vont les vendre aux grands groupes du projet qui a fait de la R&D système. Donc, à l'issue du grand groupe, le grand groupe a des PME fabricants de composants pour intégrer dans ces systèmes qu'il a développés dans le cadre du projet, ce qu'il n'a pas en Europe. Donc, aux États-Unis, il y va, malgré qu'au premier niveau d'analyse, on pourrait croire que les règles ne sont pas incitatives, mais elles le sont. En Europe, c'est l'inverse. On pourrait croire que les règles sont incitatives pour les grands groupes, mais elles ne le sont pas. Ils s'en rendent compte et donc ils n'y vont pas. Ils vont que très peu en nombre et en part programme dans le PCRD parce que les règles ne sont pas suffisamment incitatives et on est un certain nombre à pousser pour qu'il y ait des règles du jeu plus incitatives dans le PCRD. L'autre règle pas du tout incitative qui est dans le PCRD, c'est que il y a la possibilité de concéder des licences royalty-free à la fois sur le foreground qu'on produit dans le projet et sur le background des organismes de recherche qui viennent dans le projet. Vous voyez ? Donc quand on parle de la valeur de la propriété intellectuelle, on en a parlé un petit peu, dans le PCRD, une fois sur deux, c'est zéro, puisque la négo, avant de commencer le programme de recherche, c'est que le grand industriel veut du royalty-free pour l'accès au foreground et au background de l'organisme de recherche. Est-ce que vous croyez qu'il va y avoir des brevets déposés dans de tels programmes ? Dans le Force Monitoring Report de la Commission européenne en août 2011, il a été marqué que pour 13 milliards d'euros de financement de projets de R&D, il y avait 193 brevets de déposés, ce qui est anormalement bas. Mais quand les règles ne sont pas incitatives, quand on dit à l'avance que la propriété intellectuelle ne vaut rien, il ne faut pas s'attendre à ce que les gens vont déposer les brevets dans ces projets. Mais on va changer ça, hein, vous en faites pas. On va y arriver au Bayh Dole Act. Et dernière question, on a deux dernières slides, vous avez montré que le CEA était un bon élève en France, mais qu'en est-il pour les autres grands organismes de recherche en France ? Non, mais d'autres organismes de recherche publique ont fait beaucoup de progrès depuis plusieurs années, notamment depuis les lois de 1999 sur la valorisation. Il y a plein d'autres organismes de recherche qui ont fait plein de progrès. Nous, ce qu'on craint, c'est que certaines des nouvelles dispositions publiques dont on a parlé tout à l'heure, qui incitent que sur le licensing et pas sur la création de start-up et sur les accords de R&D, finalement, fassent à nouveau régresser certains organismes de recherche vers une politique de gestion de la propriété intellectuelle moins professionnelle que ce qui s'était mis à faire depuis quelques années. C'est-à-dire qu'en orientant encore une fois le transfert de technologies publiques, privées, avec comme objectif principal de percevoir un maximum de redevances, on est en train de faire perdre le repère aux chercheurs. Déjà que c'est deux missions différentes, alors qu'aux États-Unis, c'est la même. Là, ils commençaient à s'y intéresser. Beaucoup d'établissements s'étaient mis à gérer de la propriété intellectuelle professionnellement et pouvaient d'ailleurs s'appuyer sur des acteurs externes pour faire des transferts de technologies. Et maintenant, on leur dit, attendez, l'objectif, c'est la maximisation du revenu des licences, qui a encore une fois deux risques pour la France. Un, l'exploitation de la propriété intellectuelle hors de France, et deux, effectivement, diriger la recherche publique vers les secteurs où les royalties sont plus élevées, c'est-à-dire les médicaments, les vaccins, au détriment de tous les autres secteurs. Les gens, quand on leur dit ça, ils ne savent plus quelle est leur mission. Quelle est la mission du chercheur ? Et donc, certaines des dispositions récentes ont plus perturbé les organismes de recherche publique qui avaient pourtant fait des efforts importants depuis une dizaine d'années, et ce qu'on craint, nous, c'est que ça les fasse malheureusement à nouveau régresser. Oui, quelques points, là, c'était une conférence très intéressante. Bon, j'ai une expérience de chercheur, CNRS, et je m'intéresse beaucoup aussi au transfert de technologie. Alors, quelques points, c'est que tout ce qui se passe actuellement, c'est globalisé. Donc, la recherche, la R&D, tout le monde a accès partout dans le monde. Ensuite, il y a les industries dites multinationales qui, eux, font leur business dans le monde. Donc, comme c'était cité, ils font leur recherche ailleurs qu'en France, ils font leur production ailleurs qu'en France, ils font des évasions fiscales, ils font tant de combines, et tout ça, c'est négatif. Bon, les organismes de recherche français, je crois qu'ils sont bons. CNRS, le CEA, il faut citer les autres aussi. On a l'INRIA pour l'informatique, l'automatisme. On a l'INRA pour la recherche économique, etc., etc. On a de bons organismes de recherche. Mais ensuite, quand on veut transférer, soit à des PME, soit à des grands groupes, c'est toujours difficile en France. Toujours difficile. Alors, certains chercheurs, j'en connais, ils vont transférer leurs découvertes au Japon, par exemple. Et ils trouvent des industriels qui sont prêts à exploiter ce qu'ils ont trouvé, etc. etc. Alors, les remèdes, effectivement, sont difficiles, hein, puisque, comme c'était cité, ils ont les taxes en France, c'est rédhibitoire, hein, parce que le monde maintenant, c'est un monde qui est gouverné par le business. Hein. On voit tout ce qui se passe actuellement, la crise des banques, tout ça, c'est le business des banques, la crise. Hein. Ils font du fric. Donc, les multinationales, tout ça, ils font le business partout. Alors, il faut évidemment être attractif, donc diminuer les taxes. Et alors, il y a le problème aussi des PME, c'est ça que je connais bien, parce que dans mon domaine, on essaye d'aider les PME à émerger, et à se structurer, etc., puisque je fais partie de l'Association française pour l'hydrogène et le biocombustible, où on a rassemblé les groupes industriels, les grands groupes, Air Liquide, Total, Areva, les PME, les laboratoires publics, les collectivités locales et peut-être aussi les agences de recherche. Alors, les PME, elles sont mal aidées en France, hein, c'est très très clair. Donc ça, ceci est un point fort. Alors, en Allemagne, les PME, elles sont une taille à peu près 10 fois plus qu'en France, hein, c'est c'est 100 personnes une PME en moyenne en Allemagne. En France, c'est 5-10 personnes qui ont du mal à vivre, comme c'était cité. Les aides, elles sont minables. Alors, il y a un autre point de vue qui n'a pas été abordé, c'est ce que je voulais dire, c'est que en France, on n'a pas de stratégie dans un domaine de vie, de développement, de recherche, de développement et d'industrialisation. Alors, dans mon domaine, je peux en parler très fortement, on a des programmes de recherche pour l'ANR, dans le domaine de l'énergie. J'étais pendant 3 ans responsable scientifique à l'ANR, il n'y a pas de stratégie. On a différentes agences, on a l'ADEME qui a plus de stratégie. On a le FUI, on a les ministères, les 4 ministères, enseignement, recherche, environnement, industrie, etc. Il n'y a aucune stratégie entre les ministères. Il n'y a aucun plan commun. On a fait l'ANCRE, c'est l'Agence nationale de coordination de la recherche en énergie. Mais l'ANCRE, elle ne donne rien, c'est des réunions comme ça, une fois par an, ou des échanges purs et durs, sans argent derrière, sans moyens. Donc en France, on n'a pas au niveau gouvernemental, au niveau ministériel, une stratégie dans un domaine donné, par exemple, comme l'énergie. Je compare avec le DOE, Department of Energy des États-Unis, bon, avec évidemment tous les programmes qui viennent. Donc c'est peut-être ça, le troisième point, à essayer en France d'insuffler, c'est qu'il faut qu'il y ait, dans un domaine donné, une stratégie très forte au niveau ministériel, au niveau gouvernement. C'était quelques points. Merci. Pour compléter ce que j'ai. Merci. Merci, Pierre Ferry. Il se trouve que je travaille au Trésor sur des sujets de recherche, d'innovation et d'industrie. Alors j'aimerais faire quelques remarques et puis poser surtout des questions, puisque je suis venu pour vous écouter. Une remarque sur le fait qu'on n'a pas de stratégie en France. On en a eu par le passé. Il y en a qui ont marché, il y en a qui n'ont pas marché. Dans celles qui n'ont pas marché, on peut parler du Concorde, du Rafale, du plan calcul. C'est de belles réussites technologiques. Économiquement, c'est zéro. Enfin, pour l'instant. Sur les histoires de propriété intellectuelle délocalisée à l'étranger, je voudrais vous signaler que nous avons une niche fiscale en France pour la cession ou la concession de brevets qui encourage nos entreprises à concéder leurs licences et leurs brevets à d'autres entreprises ou à leurs filiales, plutôt que de les exploiter en interne. Je vous laisse en penser ce que vous voulez. Ça coûte à peu près 800 millions d'euros par an. Dernière remarque sur votre présentation. J'ai trouvé le constat assez négatif, bien que je le partage pour partie, mais surtout négatif dans la mesure où je trouve que la plupart des références que vous donnez s'appuient sur des données qui datent de 2005-2006, à peu près cette période, grosso modo avant 2008, alors qu'il s'est passé beaucoup de choses depuis 3-4 ans. Et c'est un peu là-dessus que j'aimerais vous interroger. Qu'est-ce que vous pensez de l'évolution toute récente du paysage? Quand je dis toute récente, c'est en gros depuis la simplification du crédit d'impôt recherche, un certain nombre de réformes apportées. Alors, on peut parler de la loi sur l'autonomie des universités, vous nous avez déjà dit ce que vous en pensez, mais le programme des investissements d'avenir, autrement connu sous le nom de grand emprunt, et tous les instruments qui ont été placés dedans. Qu'est-ce que vous pensez également des pôles de compétitivité qui ont démarré en 2006 et qui commencent à émerger à peu près dans une phase de, je dirais, de fonctionnement continu normal? Et puis, deux autres sujets sur lesquels j'aimerais bien avoir votre réaction, c'est en termes de valorisation et de transfert de technologie. Il y a souvent, en plus du brevet ou de l'invention elle-même, une chose qui peut aller avec, c'est le transfert de la compétence, c'est-à-dire de la personne qui a développé l'invention, vers le privé. Et je pense en particulier à la question de la mobilité des chercheurs entre le public et le privé. Que pensez-vous aujourd'hui du rôle du statut des chercheurs publics sur ce problème éventuel de valorisation de la recherche publique dans la recherche privée? Et la dernière question porte sur l'innovation non technologique. Pour vous, est-ce que c'est un sujet secondaire par rapport à l'innovation technologique ou bien c'est un sujet majeur dont il faut se préoccuper et sur lequel les pouvoirs publics doivent faire quelque chose? Merci. Alors merci, il y a eu beaucoup de questions. D'abord sur les années, je rectifie quand même un tout petit peu ce que vous avez dit. La plupart de les chiffres de la World Bank et de la plupart des classements sur l'innovation sont très récents puisqu'ils sont de 2011 voire de 2012. Vous voyez, là, la plupart des études, janvier 2012. Ensuite, les fuites de propriété intellectuelle, là, il y a les valeurs jusqu'à 2010, mais je vous ai cité à l'oral les valeurs de 2011. Le rapport Aguillon à Valérie Pécresse, oui, je suis d'accord avec ces slides. En fait, je pensais à une slide précédente. Sur les classements en matière d'innovation, il y aurait aussi beaucoup à dire, hein, dans la mesure où un certain nombre de classements, notamment d'origine anglo-saxonne, ne sont pas sur des critères qui valoriseraient naturellement la recherche française, qui est dans un modèle culturel un peu différent. C'est pour ça que j'ai insisté. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait, hein. Je suis totalement d'accord avec vous. C'est pour ça que j'ai insisté sur le classement INSEAD, qui est quand même si une école internationale. Au-delà, pour tout vous dire, je suis assez surpris de, par exemple, quelque chose comme le Global Innovation Barometer, commandé par Strategy One, où on dit que des industriels français jugent l'environnement négatif, pour l'innovation en France. J'aimerais bien savoir à quoi ça a trait. Est-ce que vraiment c'est l'innovation en tant que telle ou bien c'est l'ensemble de l'environnement des entreprises qui rejaillit sur une perception qu'ils ont de la capacité à innover en France? Mais bon, j'irai voir le rapport. Effectivement, allez le voir et puis éventuellement je vous conseille d'en discuter avec l'École centrale de Paris qui a fait un rapport sur l'innovation aussi où eux ont focalisé sur ce baromètre-là. Ils l'ont jugé suffisamment pertinent pour le prendre comme indicateur global, ainsi que le classement The 50 Most Innovative Companies de BCG Business Week. L'École centrale de Paris l'a repris, c'est d'ailleurs là où je l'ai trouvé. On voit que ce constat d'un faible niveau d'innovation, d'une politique d'innovation peu efficace, on n'est quand même pas le seul à le faire. L'École centrale de Paris a sorti un rapport récemment où ils disent en gros la même chose. Alors heureusement, j'apporte des aspects originaux par rapport à leur étude, notamment sur les aspects fuites de propriété intellectuelle, mais il y a plein de points communs entre mon étude et celle de l'École centrale de Paris. Je suis en discussion aussi avec l'École des mines de Paris sur ces aspects-là. Ils ont un projet de chaire de l'innovation. Le constat, si vous voulez, il est quand même globalement assez partagé avec les interlocuteurs avec lesquels j'en ai parlé, quoi. Oui, je veux pas défendre la politique du gouvernement sortant. Je voudrais juste signaler une chose, c'est que le constat, si on se base sur tous les outputs de la recherche, effectivement, il est encore négatif. En revanche, il s'est passé pas mal de choses, comme je dis, dans les 3-4 dernières années, compte tenu des temps de cycle de la R&D. Est-ce que si on se donne encore 2-3 ans pour observer les choses, on aura, à votre avis, des indicateurs un peu meilleurs ou pas? Mais, écoutez, les récentes initiatives, bon, c'est très politique, bien évidemment, et donc j'ai utilisé un langage très sibyllin qu'on voit sur ce transparent-là. La tendance de la politique publique de recherche, sous-entendue récente depuis un an ou deux, est trop axé sur le troisième mode, c'est-à-dire le licensing. Et ça, c'est une très grave erreur. J'en répète les deux choses très négatives qui vont arriver. C'est, encore une fois, ne miser que sur le licensing. En plus, en mettant comme objectif de la recherche publique de maximiser les redevances, ça aura deux effets dans le contexte que j'ai décrit. Premièrement, la délocalisation de la propriété intellectuelle à l'étranger. On verra bien les premiers deals qui se feront, mais on se reverra dans 3 mois ou dans 6 mois. Et je suis prêt à parier une caisse de champagne que ce sera majoritairement vers l'étranger. Et deuxièmement, ça aura comme effet d'accès la recherche publique principalement vers les secteurs où il y a le plus de redevances, c'est-à-dire les médicaments et les vaccins, au détriment de l'énergie, des nouvelles technologies, de l'information. Il y a eu un excellent rapport américain. J'ai fait une note beaucoup plus détaillée, si ça vous intéresse, je vous l'envoie en entier, elle a déjà pas mal circulé. Il y a le débat qu'on a actuellement depuis 2 ans en France, il a eu lieu aux États-Unis. Et peu de gens, voire personne, n'en a suivi les conclusions. Et le débat était aussi, est-ce qu'il faut finalement privatiser le transfert de technologies vers des sociétés externes et orienter la recherche publique vers la maximisation des revenus, des redevances? Est-ce qu'il faut privatiser les offices de transfert de technologies? Est-ce qu'il faut revoir le Bay de Lac? Il y a eu absolument, à partir de propositions qui ont été faites par la Fondation Kaufmann de 2008 à 2010, il y a eu une intense réflexion aux États-Unis et en octobre 2010, le National Research Council, National Science Foundation, ont clos le débat par un excellent rapport dont je vous recommande la lecture et qui est public. C'est Managing University Intellectual Property in the Public Interest. In the Public Interest. On manage la gestion de la propriété intellectuelle de la recherche publique en fonction de l'intérêt public. Et ils disent très précisément ce que j'ai dit. C'est-à-dire les dangers d'une trop grande financiarisation ou d'orienter la recherche publique vers la maximisation des redevances, c'est ça. Orienter vers le secteur des sciences du vivant au détriment de toutes les autres. Donc il fait 200 pages, mais chaque paragraphe vaut d'être lu. Et il a conforté le Bay de Lac qui est ressorti conforté et encore plus solide qu'avant, et dont ils ont fait les 30 ans, et ils n'en reviennent pas, qu'ils ont un cadre réglementaire de la relation publique-privée aussi correct que ça, et ils ne sont pas prêts de le changer, croyez-le moi, et donc c'est un excellent rapport qui mériterait d'être enseigné dans les écoles. Je voudrais peut-être apporter un ajout, notamment sur la question que vous avez posé concernant les autres dispositifs du fonds stratégique d'investissement, puisqu'au fond, enfin, Michel s'est intéressé à la politique publique pour développer la recherche publique. Le fonds stratégique d'investissement, si on prend l'exemple des pôles de compétitivité ou de ce que j'appellerais le deuxième étage de la fusée des pôles, c'est-à-dire les IRT ou les IED, sont pour moi des éléments qui sont destinés à créer une sorte de dynamique au sein des tissus industriels. Alors la question qui reste posée, qui à mon avis est tout à fait légitime, c'est de dire mais l'industrie peut développer des projets de R&D, mais ceci étant, que va-t-elle faire après ? C'est-à-dire que quelque part on peut se dire la France, vu tous les éléments que Michel a évoqués, est très bien positionnée pour être le laboratoire de recherche du monde entier. Mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on cherche à faire? Parce qu'évidemment, le retour sur investissement, c'est 2% du chiffre d'affaires directement généré, et c'est pas des emplois en France. Et donc la question, c'est est-ce qu'on peut passer à un étage supérieur, au-delà des IRT et des IED? L'exemple que nous avions évoqué ensemble, Michel, de l'école polytechnique de Lausanne, est un exemple intéressant, c'est-à-dire de structuration de la recherche, de telle sorte que l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire c'est l'étage encore supérieur de l'IRT, de l'IED, c'est ce qu'il faudrait faire pour être vraiment totalement efficace dans la mesure où finalement les acteurs, enfin qu'est-ce qu'on fait? On structure l'environnement de telle sorte que aussi bien les entreprises, plutôt que ce soit uniquement des acteurs de la recherche et développement, il y a le juridique, le fiscal, le marketing qui vont ensemble discuter entre plusieurs entreprises avec le soutien de la structure universitaire et de recherche locale qui, elle, apporte les services pour faciliter tout ce travail. Et finalement, la négociation d'un contrat de co-développement, eh bien, elle va peut-être se passer en l'espace de 6 mois, là où, en France, eh bien, elle se passe en 3 ans. Donc, enfin, c'est vraiment là que se situe le cœur du problème pour moi. Alors, pour rebondir sur ce point, effectivement, les règles de propriété intellectuelle dans les accords de R&D. Encore une fois, un des autres aspects du Bay de Lac, c'est que les règles sont figées dans une loi Hamon. À partir du moment où elles sont figées dans une loi Hamon, les négociations vont beaucoup plus rapidement. Vous parliez des pôles de compétitivité et du fonds unique interministériel. Les agences de programmes publics, qu'elles soient européennes, françaises, ANR, FUI, ne résoudront pas leurs problèmes tant qu'elles n'auront pas réglé la question de règles de propriété intellectuelle incitatives et claires. Et d'ailleurs, ce que je dis là, le fait qu'elle ne soit pas claire et que ça pose des problèmes de gestion de la propriété intellectuelle, c'est sur le site du ministère de l'économie et de MEIE. Vous allez sur le site du MEIE, vous regardez une enquête qu'a fait le cabinet Alain Bensoussan pour le compte du ministère de l'Industrie sur la gestion de la propriété intellectuelle dans les pôles de compétitivité. Vous allez dans module documentaire, enquête dans les pôles, et vous voyez 21 points négatifs de gestion de la propriété intellectuelle dans les pôles de compétitivité. Donc ça, c'est pas Michel Neu qui le dit, c'est le ministère qui le dit. Et les deux plus importantes sont bien glissées. C'est à la fin, effectivement, des grands groupes qui imposent, encore une fois, leurs accords aux autres participants. Alors, les autres participants, on ne voit pas bien qui ça peut être. Si ça peut être, si ce n'est pas les grands groupes, c'est forcément les PME et les organismes de recherche. Bon, c'est sur le site du ministère, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le ministère. Donc, les agences de programmes publics, que ce soit le PCRD, l'ANR, le FUI, ne feront pas l'économie d'un bail de l'acte. Et de se dire que le plus important dans ces programmes, c'est la gestion de la propriété intellectuelle et des mesures incitatives de gestion de la propriété intellectuelle. Oui, je ne vais pas revenir sur les règles de gestion de la propriété intellectuelle, en particulier de la propriété intellectuelle publique, où il me semble qu'il y a eu une disposition récente justement qui clarifiait les choses. Mais comme je ne suis pas expert du sujet, je vais vous laisser le dernier mot. En revanche, j'aimerais bien avoir votre réaction sur les questions de mobilité des chercheurs et d'innovation non technologique. Alors, sur les mobilités des chercheurs, vous savez qu'il y a quand même, pour dire des points un peu positifs, un excellent dispositif en France qui s'appelle les thèses cifres et qui permet effectivement, c'est pas tout à fait des départs des chercheurs publics vers l'industrie, mais c'est quand même un point très important pour que les PME notamment puissent embaucher des thésards qui ont fait leur thèse au moins dans des labos publics, puisque la thèse cifre se fait à moitié chez l'industriel et à moitié dans la recherche publique. Donc c'est quand même un moyen indirect de faire venir un thésard dans une PME qui a passé au moins la moitié de ses 3 ans dans un organisme de recherche publique. Ensuite, sur la question des transferts des chercheurs publics vers l'industrie, il faut savoir que nous, notre mode préféré, c'est que nos chercheurs créent des start-up. C'est l'entrepreneuriat. Alors, on est très actif sur ce domaine. On crée 15 à 20 start-up par an. On a des dispositifs internes pour pousser nos chercheurs, des formations, des incitations, la bretelle de récupération si ça ne se passe pas aussi bien que prévu, etc. Ce qu'ont beaucoup d'organismes de recherche. Et ça marche globalement bien. Au CEA, on crée 15 à 20 nouvelles start-up tous les ans. Bon, maintenant, la mobilité brutale d'un chercheur d'un labo de recherche publique vers un industriel, il faut savoir que nous, on a un nœud mode, c'est le point que vous évoquiez, c'est ça, mobilité de chercheur. Nous, pas d'obligation pour le chercheur. Non, pas d'obligation, mais si vous voulez, nous... C'est sûr que les salaires de l'industrie sont plus élevés que les salaires de la recherche publique. Donc, c'est la quadrature du cercle, à votre question. C'est la recherche publique, les salaires. Pardon ? Dans la recherche publique ? C'est pas la tendance générale que prennent les choses. Et on sait bien aussi que dans l'industrie, encore une fois, nous, on a une forte expérience des laboratoires communs avec les industriels, où les chercheurs publics et les chercheurs industriels sont physiquement présents dans les mêmes locaux. Ça, c'est bien l'objectif des IRT. Bon, ça, c'est labo commun, ça marche bien, etc. Maintenant que des chercheurs puissent faire des mobilités, bon, il y a les post-docs qui en font. Maintenant, modifier les statuts et les contrats des chercheurs pour accélérer ces allers-retours, je ne suis pas sûr que ce soit faisable, notamment pour des questions de salaire. Encore une fois, l'idée reçue que la recherche publique française n'est pas suffisamment productive en termes d'output de recherche et d'efficacité dans le transfert de technologies publiques-privées, c'est une des bases de mon exposé, c'est une idée reçue fausse. Si le transfert de technologies vous paraît en relativement assez faible, je vous ai donné toute une série de mesures qui expliquent pourquoi. Les règles de propriété intellectuelle que nous donnent les agences de programme ne sont pas claires. Le chercheur, on essaye en interne de le sensibiliser à la propriété intellectuelle et lui dire ce qui est bien. Ensuite, quand il lit les conditions générales avec plein d'options du PCRD, il ne sait plus où il en est. D'ailleurs, c'est assez rigolo. Moi, j'étais dans un groupe de travail d'experts en propriété intellectuelle au niveau de la Commission européenne qui a drafté les recommandations pour la recherche publique européenne de gestion de la propriété intellectuelle et de transfert de technologie. Un document relativement bon qu'on a décliné en France dans les instituts Carnot par une charte de gestion de la propriété intellectuelle et de transfert de technologie à laquelle j'ai participé aussi avec d'autres membres des instituts Carnot. Donc ça, c'est très bien. Maintenant, la Commission européenne a réactivé ce groupe, alors j'y suis pas en ce moment, pour dire on va vérifier que c'est mis en place. Alors, ils vérifient et nous, on leur répond, mais écoutez, commencez par les mettre en place dans les règles de propriété intellectuelle du PCRD, parce que c'est quand même là que les règles sont les moins incitatives et que le nombre de brevets, 193 brevets déposés pour 13 milliards d'euros de budget financé, il faut avoir une cohérence dans le système. Donc, la recherche publique, il est, à mon avis, faux de dire que la recherche publique serait plus efficace si les chercheurs étaient mieux payés. Non, la recherche publique serait plus efficace si les règles de propriété intellectuelle données par les agences de programme étaient plus claires, si on avait des outils pour transférer de l'innovation de rupture vers les PME, si la base industrielle française était plus élevée, encore une fois, elle est que de 11% contre 21%, etc. Et donc, il ne faut pas chercher de solution du côté du salaire des chercheurs, ni d'ailleurs des salaires qu'on voit dans les... je vais essayer de trouver des mots politiquement corrects, dans les opérations de politique publique axées sur le troisième mode et qui aurait tendance à effectivement privilégier la maximisation des revenus, des licences, les salaires dans ces initiatives sont anormalement élevés et totalement injustifiés, vu par ailleurs les effets négatifs qu'on peut prévoir sur la recherche publique qui sont, et sur l'économie nationale qui sont le transfert de la propriété intellectuelle à l'étranger et le recadrage, l'orientation d'ensemble de la recherche publique vers les secteurs qui présentent les plus forts taux de redevances quand on paye des gens. Quand on intéresse des gens aux résultats de redevances qui reviennent, effectivement, ils vont se centrer sur les médicaments contre le cancer et le vaccin au détriment d'un ensemble de la recherche, du reste de la recherche publique. Effectivement, donc les salaires de ces gens-là seront élevés, mais je ne suis pas sûr que ce sera bénéfique pour l'économie nationale. Je suis même convaincu du contraire. Écoutez, moi, je pense qu'on peut peut-être s'arrêter là. Je vous invite éventuellement à finir le débat en sortie de conférence. Merci à vous d'avoir participé à cette conférence et merci à vous deux, Michel et Pierre. Merci de nous avoir donné l'occasion.